Auditrice, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, Radio Guémozo, anciennement Radio Trait d'Union. À l'écoute de ce soir de l'émission Le Calendrier des Esclavages et des Libérations. Alors, au programme de ce soir, eh bien, calendrier, hein, bien sûr. Et puis, Kliment Viktorovitch nous parlera de Zemmour et les ennemis du peuple. Jean-Luc Mélenchon, Philippe Lebel, nous parlera de la Philippe Lebel, de la laïcité, hein. Ensuite, Méditerranée médiévale, espace d'échange, de conflits, un petit cours d'histoire, niveau second de, voilà. Crac à Paris, ce mur ne résoudra pas le problème. Une petite partie d'un débat sur la campagne électorale, hein. Ensuite, le patois vosgien par Alain Litez. Et puis, Jean-Luc Mélenchon, je veux plafonner les frais bancaires. Entre autres choses, plafonner les frais bancaires. Il sera question de différents aspects de la campagne électorale, voilà. Hein. Et puis, ça sera tout pour ce soir. Quand arrive le samedi, sans faire de chichi ni faire de toilette, nous partons au galop avec mon costaud dans un bal musette. Où nous nous retrouvons rien qu'entre mecton et vraie gigolette. Tournons, tournons, on fredonne au son de l'accordéon. Qu'est-ce qui dégote le foxtrot et même le chimi, les pas anglish, la scottish et tout ce qui s'ensuit. C'est la java, la vieille mazurka du vieux Sébasto. Je suis ta ménesse, je suis ta gonzesse, tu es mon julot. Tout contre toi, serre-moi bien fort dans tes bras. Je te suivrai, je ferai tout ce que tu voudras. Quand tu me prends dans mon cœur, je sens comme un vertigo. J'aime ta casquette et le roux plaquette et ton bout de mégot. Mais le boulevard Saint-Germain, les gens du gratin n'ont pas de principe. Dès que les puretins ont quelque chose de bien, il faut qu'ils nous le chipent. À présent les mondains essaient, mais en vain, de copier nos types. Et les poules de luxe dans les salons se pâment en chantant à leur micheton. Qu'est-ce qui dégote le foxtrot et même le chimie? Les pas anglais, la scottish et tout ce qui s'ensuit. C'est la java, la vieille mazurka du vieux Sébasto. Puis ta ménesse, je suis ta gonzesse, tu es mon juot. Tout contre toi, serre-moi bien fort dans tes bras. Je te suivrai, je ferai tout ce que tu voudras. Quand tu me prends, dans mon cœur je sens comme un vertigo. J'aime ta casquette, tes deux roues claquettes et ton bout de mégot. Le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 20 décembre? Eh bien, le 20 décembre 1848, à La Réunion, date symbole, entrée en vigueur de l'abolition de l'esclavage. Il y avait à l'époque 61 000 esclaves. Le préfet de la République française s'adresse aux esclaves libérés. Deux points ouvrant les guillemets, c'est le préfet qui parle. Mes amis, les décrets de la République française sont exécutés. Vous êtes libres. Tous égaux devant la loi. Vous n'avez autour de vous que des frères. On ferme les guillemets. 1905, Russie. La première révolution russe touche à son point culminant. 400 entreprises employant 100 000 ouvriers se mettent en grève. 1920, Italie. La municipalité de Ferrare est incendiée par les fascistes. 1924, URSS. La Pravda publie un article de Staline. Celui-ci rejette les thèses de Trotsky sur la révolution permanente. Devant l'échec de la révolution mondiale, il préconise l'édification du socialisme dans un seul pays. Il faut consolider le premier État ouvrier de l'histoire, entre guillemets, premier État ouvrier de l'histoire. On aboutit ainsi à la subordination de la révolution mondiale aux intérêts de l'URSS. 1936, USA. Contrairement à l'espoir des jaunes, 200 représentants des employés et délégués de 42 aciéries se réunissent à Pittsburgh. Ils décident de s'affilier au comité d'organisation de Lewis, au Steelworkers Organizing Committee. Alors les jaunes, il ne s'agit pas des gens qui ont la peau jaune et les yeux bridés, hein. Les jaunes, c'est le contraire des rouges, si vous voulez. Hein, voilà. Il y a les syndicalistes rouges qui sont pour amener des réformes positives pour la classe ouvrière, et puis il y a les jaunes qui sont les complices des exploiteurs. Voilà. 1943, URSS. C'était en 1936 aux USA. Hein. Ça n'existe plus les jaunes. Non. Mais non. 1943, URSS. L'international est remplacé par un hymne national. 1946, Vietnam. Ho Chi Minh appelle à la résistance nationale. Deux points, ouvrons les guillemets. L'heure est venue de nous lever. Vite, fermons les guillemets, avant que ça ne donne des idées à certains d'entre nous. 1960, Vietnam. L'insurrection armée dans le Vietnam du Sud s'organise et donne naissance au FLN, dont le but est l'élimination de l'influence croissante des USA. 1970, Pologne. Le Parti communiste sacrifie Gomulka et le remplace par Gierek. 1977, Indonésie. Suite à un rapport d'Amnesty International, le gouvernement libère 10 000 prisonniers politiques. Mais il reste encore dans le pays 90 000 Indonésiens privés de liberté pour des raisons politiques. 1979, Chine. La firme Coca-Cola annonce qu'elle va ouvrir une usine à Shanghai. Une multinationale capitaliste entre en Chine communiste. Alors, entre guillemets, faut-il pleurer, faut-il en rire? Point d'interrogation. 1980, France, adoption par le Sénat du projet de loi Sécurité et Liberté. Ce texte, fait pour renforcer la sécurité et protéger les libertés, risque fort de, entre guillemets encore, renforcer la sécurité au détriment de la liberté. D'où l'appellation, guillemets, sécurité ou liberté. Loi abolie sous la législature suivante. 1982, Chili. Après 9 ans de dictature, réquisitoire de la conférence épiscopale chilienne contre la politique de Pinochet, les évêques demande le rétablissement de la démocratie. 1982, URSS. Le tribunal permanent des peuples condamne l'URSS pour le non-respect du droit de la guerre, en Afghanistan. No comment. Tu n'en reviendras pas, toi qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu quand j'ai déchiré ta chemise. Et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille. Qu'un obus a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre. Et toi le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux. Oh par Dieu, c'est pour où, ça tient du mauvais rêve. On glissera le long de la ligne de feu. Quelque part, ça commence à n'être plus du jeu. Les bons hommes là-bas attendent la relève. Roule au loin, roule train des dernières lueurs. Les soldats assoupis que ta danse secoue laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur. Destinée, fiancée de la terre et promis des douleurs, la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit, déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places, déjà le souvenir de vos amours s'efface, déjà. Vous n'êtes plus que pour avoir péri. Clément Viktorovitch, vous revenez sur le premier discours du candidat Éric Zemmour. Hier, devant plus de 10 000 personnes à Villepinte, il a parlé d'immigration, de baisse des impôts, mais aussi du lien spécial qu'il estime avoir tissé avec le peuple français. Discours qui, pour vous, ne peut être qualifié autrement que comme populiste. Oui, Nicolas, populiste, mais pas uniquement, j'y reviendrai. Pour l'heure, j'aimerais en effet m'arrêter sur un thème qu'Éric Zemmour a développé amplement, celui du lien si particulier qu'il unirait au peuple français. À chacun de mes déplacements, ils enragent en voyant ce peuple qu'ils pensaient à jamais disparu. S'ils me détestent, c'est parce qu'ils vous détestent. S'ils me méprisent, c'est parce qu'ils vous méprisent. Vous êtes arrivés, nous sommes arrivés, et nous avons bouleversé les plans les mieux établis. Bon, vous l'avez entendu, s'il me déteste, c'est parce qu'il vous déteste. S'il me méprise, c'est parce qu'il vous méprise. Alors ça, c'est un sophisme, c'est même la définition de ce qu'on appelle le sophisme par division. Ce qui est vrai pour la partie serait vrai pour le tout et inversement. Alors en l'occurrence, Éric Zemmour faisant partie du peuple, si ses adversaires le méprisent, c'est qu'il méprise aussi le peuple. Bon, d'une part, il faudrait déjà prouver qu'Éric Zemmour suscite réellement du mépris, ce qui ne me paraît pas évident. Et d'autre part, l'affirmation ne va absolument pas de soi. On pourrait mépriser Éric Zemmour sans pour autant mépriser tous les groupe auquel il appartient. Mais peu importe, l'objectif de cette affirmation n'est pas d'être rigoureuse, mais de générer du ressentiment chez ses auditeurs, d'utiliser ce ressentiment pour souder une identification entre Éric Zemmour et le peuple, et d'opposer cette alliance à un adversaire, c'est vous et moi, contre il. Et qui est alors cet adversaire qui méprise le peuple ? Eh bien, c'est en effet toute la question, et Éric Zemmour y répond très explicitement. À chaque élection, le système exclut soigneusement les candidats qui lui déplaisent, avec ses juges aux ordres et ses journalistes militants. Nos meetings dérangent les journalistes, agacent les politiques et hystérisent la gauche. Ils veulent nous interdire de défendre nos idées. Ils veulent me rendre inéligible. Ils veulent vous voler la démocratie. Ne les laissons pas faire. Les juges aux ordres, les journalistes militants, les politiques, la gauche, un peu plus tard Éric Zemmour rajoute également les Républicains et Emmanuel Macron, et pour finir, le système. Voilà donc ceux qui veulent voler la démocratie au peuple. Et ça y est, le puzzle est complet. Éric Zemmour se décrit en seul représentant d'un peuple qui aurait été trahi par tous les pouvoirs politiques, judiciaires et médiatiques. Cette opposition, c'est la définition exacte de ce qu'en sciences politiques on appelle le populisme. Description, Clément, qui peut s'appliquer aussi à beaucoup d'autres responsables politiques. Est-ce qu'affubler Éric Zemmour de ce qualificatif populiste, ce n'est pas une manière de le décrédibiliser ? Oui, c'est une bonne remarque, Nicolas. Et en effet, on retrouve cette structure rhétorique chez Jean-Luc Mélenchon, chez Marine Le Pen. On l'a même entendu dans certaines déclarations de Nicolas Sarkozy à l'époque, si bien d'ailleurs que le mot a fini par ne plus vouloir rien dire. Mais je crois qu'avec Éric Zemmour, il est peut-être temps de le ressortir du placard à concept pour deux raisons. La première, c'est une question de degré. Chez Éric Zemmour, l'opposition entre le peuple et le système, les élites, n'est pas anecdotique. Elle structure l'intégralité du discours. La deuxième raison, c'est une question de nature. Il y a, dans la rhétorique d'Éric Zemmour, quelque chose de singulier. Nous allons récupérer la France contre les cyniques et les vaniteux, contre ceux qui n'ont que le mépris et la morgue au fond des yeux, contre tous ceux qui veulent nous faire disparaître. Nous nous levons. Le peuple français se tient face à tous ceux qui veulent le faire disparaître, face à tous ceux qui veulent priver ses enfants d'héritage et de grandeur. Ce peuple français qui ne baissera jamais les yeux face à ceux qui ont juré sa perte. Notre existence en tant que peuple français n'est pas négociable. Vous l'entendez dans le discours d'Éric Zemmour, les individus qui composent le système n'ont pas simplement échoué, failli, ni même trahi le peuple. Ils ont juré sa perte, ils veulent le faire disparaître et menacent jusqu'à son existence. Autrement dit, ils auraient une intention maligne, voire perverse. C'est une distinction importante. Oui, Nicolas, elle me paraît fondamentale. Cette distinction, c'est celle qui sépare l'adversaire de l'ennemi. C'est celle qui distingue celui qui nous combat de celui qui veut nous détruire. Celui que l'on affronte par les urnes de celui contre lequel on lutte par tous les moyens nécessaires. Cette ligne porte un nom. C'est celle de la démocratie représentative, c'est-à-dire de l'ensemble des procédures qui nous permettent de régler pacifiquement nos désaccords collectifs. Il me semble que hier, dans son discours, Éric Zemmour a mis le pied sur une ligne, celle qui borne la rhétorique démocratique. Clément Viktorovitch, c'était Entre les lignes. Bonjour Jean-Luc Mélenchon, votre intérêt pour l'histoire a été très précoce puisque il date de l'époque où vous avez lu, alors que vous étiez juste adolescent, l'histoire de la Révolution française par Adolphe Thiers. Alors est-ce que c'est ce livre qui vous a sensibilisé à l'histoire, qui a constitué votre éveil ? D'abord c'est venu de mes études à l'époque au collège où je me trouvais en Normandie, les classes de latin, qui étaient l'espèce d'aristocratie intellectuelle de l'époque, on était nécessairement confrontés à l'histoire de Rome. Et il y avait un style d'éducation, notamment pour les garçons, c'était la vie des hommes illustres, bon, c'était en quelque sorte vos premiers. Rappelez-vous que je viens d'une époque où il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision, et à l'époque, la télévision était très unificatrice des discussions des jeunes, et il y avait une émission extraordinaire qui a formaté beaucoup d'entre nous dans ma génération, qui s'appelait « La caméra explore le temps ». Et les sujets étaient tellement bien traités qu'il s'est créé naturellement un appétit pour ça, pour l'histoire, pour sa compréhension, et ça exerçait sur moi une fascination que ressentaient à peu près tous mes condisciples à l'époque. Et puis, ma première grande lecture historique, en effet, c'est dans une histoire d'amour, un échange entre un livre de poésie offert à une jeune fille et elle qui m'offre en échange l'histoire de la Révolution française par Adolphe Thiers. J'ignorais à l'époque que Thiers était l'homme que, par définition, les communards détestaient. Et cette histoire, magnifiquement illustrée, m'a accompagné toute ma vie. Je l'ai encore aujourd'hui avec moi dans ma bibliothèque. J'ai lu toutes les autres histoires de la Révolution, naturellement, dont celle de Jaurès, mais bien d'autres. Et la geste héroïque du peuple m'a en quelque sorte saisi dès le plus jeune âge, et je n'ai jamais perdu ce goût. Je ne crois pas qu'on puisse faire de l'action politique raisonnée si on ne connaît pas l'histoire de son pays. Parce que on agit toujours dans un contexte, sauf à être un fanatique dominé par une idéologie aveugle qui consiste à appliquer des recettes partout, quel que soit l'endroit dans lequel vous vous trouvez les mêmes, mais vous devez toujours tenir compte du contexte. Et moi, je ne suis pas de ces matérialistes un peu mécaniques qui pensent que les faits sociaux sont seuls et uniques explicatifs de la réalité. Les faits culturels sont très importants. Et vous voyez, on sait par exemple qu'une population de vikings a préféré mourir de faim que de se nourrir de poissons parce que les Inuits s'en nourrissaient et qu'ils considéraient les Inuits comme des animaux et pas vraiment des êtres humains. Et ils considéraient que c'eût été déchoir que de se nourrir de poissons qui pourtant contenaient toutes les protéines dont ils avaient besoin. Cet exemple nous rappelle l'importance des faits culturels et du savoir cumulatif. Si vous prenez un prix Nobel, fût-ce un prix Nobel de physique, vous le mettez au pôle Nord, il est mort 3 heures après, s'il n'y a pas un Esquimau qui vient lui expliquer comment on survit dans le grand froid. Eh bien, de même, on ne peut pas faire de politique en France si on n'a pas en soi l'histoire de France accumulée pour repérer, non pas pour reproduire, l'histoire ne se reproduit pas, mais connaître les tendances longues qui traversent le temps, les raisons pour lesquelles les choses sont apparues ici plutôt que là. Pourquoi notre histoire nationale comporte des faits singuliers dans l'histoire du monde, qui est la contribution du peuple français à l'histoire universelle. Par exemple, d'où vient la laïcité chez les Français ? Alors, cette laïcité dont vous parlez, est-ce qu'elle vient de la République ou bien est-ce qu'elle est antérieure ? Pour moi, c'est un phénomène très profond, qui vient de très loin, qui a à voir aussi avec un autre phénomène qui a une très grande importance, qui est la constitution de l'État, c'est-à-dire d'une entité qui est plus importante que le monarque lui-même, le monarque prenant conscience qu'il n'est pas seulement un féodal parmi d'autres, ou le premier parmi les féodaux, mais quelqu'un qui doit porter quelque chose de plus grand. Ça ne s'est pas produit dans tous les pays. L'Allemagne n'a jamais eu d'État. Il y avait des principautés, des évêchés, etc. La Pologne, par exemple, élisait ses rois. Peut-être savez-vous qu'un roi de France a été élu roi de Pologne, on va en parler dans un instant, qui est Henri III, qui a préféré se sauver en courant que de rester roi de ces gens-là. Mais quand je regarde cette histoire profonde, je compare le comportement des empereurs du Saint-Empire romain germanique, qui ont capitulé devant la papauté, à celui des rois de France. Je vais donc prendre un repère dans le temps, il est très lointain. C'est le roi Philippe le Bel, et ça se passe en 1301, donc c'est le XIVe siècle. À l'époque, ça commence toujours comme ça. Hein. C'est toujours une histoire d'argent qui est au départ de beaucoup de choses. Et donc, il s'agit de la collecte d'un impôt. Et le pape décide que c'est lui qui décide, ou plus exactement, le clergé collecte cet impôt, et lui a sa part. Et le roi de France, je crois que c'est les Annates, si mes souvenirs sont bons, et le roi de France décide que non, c'est lui qui décide qui perçoit cet impôt. Et commence une bataille, car le pape Boniface VIII, comprend qu'il a là une belle occasion de prendre le roi de France à la gorge. Et on a une première circulaire, on va dire, qui dit en gros, je suis le pape, et comme je commande au spirituel, je commande au temporel. Alors là, ça commence à chauffer, parce que s'il commande au temporel, il est donc le monarque universel. Ça, ça ne peut pas convenir à ce qui est la conscience naissante d'une singularité de l'État et du royaume de France. Et donc le roi Philippe le Bel commence à prendre ses dispositions, à quoi le pape réplique par une bulle mortelle, qui est vraiment terrible, parce qu'en gros ça menace tout le monde d'excommunication si on ne fait pas ce qu'il dit. Et il se produit quelque chose de très drôle, très moderne. La légende, répandue par le roi et ses familiers, veut que son frère, Robert d'Artois, prenant la bulle, est indigné et jette la bulle au feu. Donc il n'y a plus de texte. Et on en fait un résumé. Vous voyez déjà le procédé. Et le résumé est présenté aux docteurs de la foi que sont les professeurs de la Sorbonne. Lesquels disent, nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans la bulle, on ne l'a pas vu. Mais ce qu'on peut dire, c'est ce qu'il y a dans le résumé, ça, c'est hérétique. Évidemment, ça sert le roi. Et va commencer un bras de fer terrifiant entre le roi et le pape, que le roi va gagner. Et il faut bien voir qu'à ce moment-là, le roi est catholique, il est chrétien pour lui, mais ce n'est pas en cause cette affaire-là. Mais c'est le pouvoir royal face au pouvoir spirituel. Et donc pour moi, c'est la première bataille pour la séparation de l'Église et de l'État, même si le roi lui-même est croyant. Et la bataille, elle est terrible, parce que ce n'est pas juste le pape français, le pape italien et le roi français qui sont face à face. Tous les seigneurs féodaux qui entourent le roi ont tous des évêques, comme frères ou comme cousins ou comme neveux, des abbés. Donc l'Église et la papauté sont intimement liées. À un moment donné, le bras de fer commence. Le pape dit maintenant, vous venez tous à Rome, dit-il à ces gens d'église, et le roi dit, je vous interdis d'y aller. Si bien que le roi va trouver une parade, qui est de convoquer les religieux français pour citer à comparaître le pape pour hérésie, c'est quand même une situation inouïe. Et l'homme qui est chargé de ça, c'est Guillaume Nogaret. Et Nogaret fait cette chose extraordinaire, il part à cheval avec 4 types, et ils arrivent à Agnani, où est la résidence d'été du pape. Et hasard, sans doute, hein, il arrive en pleine bagarre, parce qu'il y a là des rebelles italiens qui ont envahi le château où est le pape. Et donc, il faut se représenter la scène, parce qu'elle est fabuleuse. Tout le monde est en train de se battre dans la chambre du pape, qui est une chose immense, hein, qui est une pièce immense. Et Nogaret, le français, arrive et il a des pennons. C'est-à-dire, ce sont des petits bâtons avec un étendard au bout. Et il pose ses 4 pennons autour du lit et il ouvre sa lettre que lui envoie le roi, qui le cite à comparaître pour hérésie, parce que la période est très formaliste. Il replie tout ça, il remballe ses trucs et il s'en va. La légende veut que le pape ait hurlé en voyant en plus ce Français au milieu de cette bagarre et que Nogaret l'ait giflé. Nogaret s'est toujours défendu d'avoir giflé le pape. En attendant, il est mort 3 jours après et l'affaire a été réglée. Le roi de France a pu payer les cardinaux pour élire un Français ensuite comme pape et on a eu la paix. Mais c'est la première bataille où l'État, le roi, va dire « Je suis roi de mon royaume par la volonté de Dieu et donc je n'ai rien à voir avec l'organisation cléricale ». Alors je vais prendre un autre. Vous voyez, c'est un cheminement long. Pourquoi c'est comme ça? L'autorité du pape eût été incompatible avec l'unité du royaume. Si le roi avait accepté que le pape donne des ordres à un nombre aussi considérable de grands seigneurs, il y aurait eu donc 2 autorités en permanence sur le territoire. Et ça, l'unité de la nation, c'est pas la nation à l'époque, hein, c'est le royaume, ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes frontières, mais du concept qui est en train de naître n'aurait pas été affirmé. Alors, l'autre étape que je vois qui est très intéressante de ce processus, c'est, vous savez, toutes les dynasties en France finissent par 3 frères. Là, ce sont les 3 fils de la Médicis, et le dernier est Henri III, qui a été mais absolument injurié dans l'histoire. Bon, pourquoi? Parce que cet homme essaye de tenir la balance entre catholiques et protestants. Notre pays est en train de connaître le moment protestant. Alors il essaye ce qu'on a fait partout. Ailleurs, c'est facile. Les Allemands, c'est simple. Eius regio, cuius religio. De ton prince, tu as la religion. T'es catholique, ton prince est catholique, tu restes. T'es protestant, dehors. Tu vas dans la principauté d'à côté, qui est protestante. Donc on a en quelque sorte fait du cantonnement ethnique, ou plutôt du cantonnement religieux, à cette époque. En France, non. Alors on va donc essayer les méthodes traditionnelles. D'abord, on commençait par essayer de massacrer ceux qui ne sont pas d'accord. Hein. On avait une longue tradition du massacre, et du pogrom en France, parce que j'ai oublié ça, mais le prétendu roi Saint-Louis, qui est de Louis IX, a quand même inventé l'expulsion des Juifs de France, il leur a inventé la première étoile jaune qu'il y a eu dans le monde, c'est pas Adolf Hitler, c'est Saint-Louis, c'est la rouelle. On avait déjà persécuté les Juifs en l'an 1000, on les avait tellement persécutés qu'ils ont écrit au pape pour dire « Écoutez, qu'est-ce qu'on vous a fait? Foutez-nous la paix ». Le pape écrit au seigneur français pour dire « Écoutez, fichez-leur la paix, c'est pas chrétien de les persécuter comme ça ». Donc c'est pour dire qu'on avait une tradition de l'intolérance qui était déjà très vive, très active. Et là, nous sommes à un moment crucial. Parce qu'à nouveau, l'unité du royaume est en cause. Et donc, au-delà du royaume dans sa frontière, c'est du concept de l'État. Le pauvre roi Charles VI était fou. Et le roi d'Angleterre parvient à lui faire admettre que c'est lui, le roi d'Angleterre, le roi de France, par la filiation, d'ailleurs, lui, Charles VI, abandonne. Et les Français ont résisté à ça, au nom de la loi salique, une invention, qui était de dire, chez nous, nous sommes des Francs, c'est les hommes qui héritent des hommes. Donc, quand on arrive à Henri III, c'est la catastrophe. Il n'a pas d'enfant. Le pays est divisé entre catholiques et protestants. Son frère aîné a essayé de massacrer les protestants d'une manière normale, c'est la Saint-Barthélemy. Ça ne donne rien, parce qu'on a massacré partout. Impossible d'arriver à massacrer le nombre suffisant de protestants pour qu'il n'y en ait plus. Et la question se complique du fait qu'une bonne partie de la noblesse féodale et des grands bourgeois de l'époque sont protestants. Par conséquent, décider de détruire tous les protestants, c'est en fait détruire la nation elle-même. Donc, on trouve chez la Médicis une première lettre où elle dit mais le roi est le roi de tous ses sujets. Ah non, madame, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible, parce que le roi est roi de la volonté de Dieu. Et Dieu, il n'y en a qu'un seul, il ne peut pas être honoré de 2 manières différentes. Donc, pour les catholiques orthodoxes, le roi ne peut pas être un protestant. Or, derrière Henri III, c'est Henri IV, du fait de la loi salique dont je viens de vous parler il y a un instant. Or, Henri IV est protestant. Par conséquent, tout ça, c'est la religion est un prétexte. Une fois de plus, tout le monde se tape et essaye de prendre le pouvoir. Et vous avez les Espagnols qui payent, qui sont une grande puissance à l'époque, et vous avez le duc de Guise, qui est le représentant de la Ligue catholique, et qui va faire tout ce qu'il peut pour dégager Henri III, dont il voit bien que ce tordu est en train de préparer l'arrivée d'Henri IV, car Henri III a le sens de l'État. Et va se créer, on va laisser la grande histoire un peu de côté pour l'instant, tout le monde connaît la suite. Henri III fait assassiner le duc de Guise, lequel parti des ultra-catholiques fait assassiner Henri III par le moine Clément, et ainsi de suite. Et pendant ce temps, il y a un parti qui travaille. C'est le parti des loyalistes. Et ceux-là disent, nous, on s'en fiche de la religion du roi. Le roi est le roi, c'est l'aîné de la branche aînée, il est roi, point barre. Et on ne veut rien savoir d'autre. Et c'est-à-dire qu'ils vont donc défendre un principe laïque du concept royal. C'est-à-dire, l'État et la religion sont séparés par une chose qui s'appelle la loi salique. Donc, pour moi, ce sont... Alors, dans ce parti, vous avez les bourgeois d'un peu partout, quand on part dessus la tête, de voir toutes ces batailles qui ruinent les affaires. Bon, plus les gens de lettres, vous êtes dans le début du travail des Lumières, et ce vieux courant est remonté depuis Marc Aurèle et les empereurs romains. Quelle est la légitimité du pouvoir ? Grande question philosophique. Pourquoi c'est moi qui commande et pas l'autre ? Alors, c'est le prince philosophe. Non. Alors, philosophe, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a des grands principes. Et donc, ça, c'est à l'œuvre. Et vous avez des gens comme Montaigne, c'est un aspect de sa vie qui est peu connu. Montaigne étant bourgeois, tout le monde connaît les essais, le livre consubstantiel à son auteur. Mais il est l'ami de la Boétie qui a écrit... à 24 ans, un bouquin fulgurant qui s'appelle « Notre servitude volontaire ». Et donc des gens qui ont une réflexion sur le pouvoir politique très profonde. Machiavel s'est déjà paru. Machiavel, c'est un manifeste républicain. Hein, c'est pas, aujourd'hui, on le présente comme le roi de la combine, mais c'est pas ça le sujet du prince. Et ce parti-là va travailler en sous-main. Montaigne va faire des centaines de kilomètres à cheval pour aller d'un endroit à l'autre, porter des messages, etc. Et ils vont réussir leur coup, qui est d'imposer Henri IV, moyennant le fait que lui se convertit, mais c'est pas ça qui est important, parce que personne ne croit à la conversion d'Henri IV, tout le monde, beaucoup s'en foutent, tout ce qui les intéresse, c'est que la guerre s'arrête, la guerre de religion. Donc, la laïcité en France, c'est pas le résultat d'un colloque, d'accord ? C'est pas de grands esprits qui sont réunis un jour pour dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation ? C'est la réponse à une impasse, parce que le royaume est ingérable, partagé entre deux religions. Sans arrêt, les rois vont y revenir. Louis XIV va essayer de revenir là-dessus. Il fait les dragonnades, ça ne donne strictement rien. Mais il va nous rester un fil conducteur sur lequel je vais achever mon récit. C'est que, pour faire les dragonnades, vous savez ce que c'est, les dragonnades, on installe les dragons chez les gens jusqu'à ce qu'ils soient convertis du protestantisme au catholicisme. Mais les protestants sont coriaces et n'ont rien voulu savoir. Donc le roi en a arrêté un paquet, et parmi eux, une rangée de pauvres femmes, qui ne voulaient pas céder. On les a emmurées, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire qu'on les a mis dans une tour, elles étaient en haut, il y avait un puits de lumière, tu vois, on leur passait par une corde, la nourriture et le reste, et ces pauvres femmes sont restées là toute leur vie, gardées par des gens qui ne pouvaient pas les atteindre. Et à cette occasion, l'une d'entre elles, qui s'appelle Marie Durand, écrit sur la margelle du puits, un mot qui va rester comme un étendard pour toutes les mauvaises têtes, dans notre pays, et s'appelle « Résister ». Elle écrit « Résister ». À la fin, quand elles sont vraiment très âgées, un avocat s'interpose auprès du roi et finit par le convaincre de relâcher ces pauvres femmes qui en ont passé plus de 40 ans emmurées, comme on disait. Et cet avocat, c'est Rabaud-Saint-Étienne. Rabaud-Saint-Étienne a un fils, et c'est lui que vous voyez quand vous allez à la galerie des quatre colonnes à l'Assemblée nationale. Vous voyez le serment du jeu de paume, tout le monde a le bras levé comme ça. On dit, nous sommes là par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par celle des baïonnettes. Vous connaissez cette scène extraordinaire d'affirmation de la souveraineté populaire qui incarne l'État et qui vient par-dessus tout autre pouvoir. C'est donc un moment d'apothéose. Et ce que vous avez au premier plan, sur le bronze, vous voyez un homme qui a les bras étendus comme ça. D'un côté, il y a un prêtre, de l'autre côté, il y a un pasteur. Et cet homme, c'est Rabaud-Saint-Étienne, fils. Donc l'histoire de France est un cheminement long dont les causes singulières s'explique par ce cheminement long. C'est pas en France que l'esprit des Lumières aurait dû vaincre et donner la grande révolution de 89. C'est aux Pays-Bas, parce que c'est là que sont les imprimeries, c'est là que sont les protestants qui fuient la persécution religieuse. Mais ça a été en France parce que la structure profonde est de l'histoire et du peuple français, dans la plus grande entité d'Europe. Il n'y avait pas plus grand royaume que le royaume de France. Il faut faire vivre ensemble des gens qui, par ailleurs, ne se supportent pas sur le plan religieux. Et la réponse, c'est l'État, et l'indépendance de l'État à l'égard de la religion. Et la réponse, c'est de la liberté du culte est née la revendication de la liberté de conscience, et la liberté de conscience est fondatrice des garanties de l'État, de la loi, au-dessus des religions séparées d'elles. On ne peut pas comprendre que ces choses-là ne peuvent pas être bousculées en France sans que les conséquences soient telluriques. De la même manière, décider qui est français, c'est tellurique. Ça remonte à François Ier, qui touche la terre de France et libre. Qui naît sur le sol de France est français. Si vous touchez à ça, c'est pas une disposition dans un texte, c'est quelque chose qui est l'enfant d'une histoire très profonde. Si le roi fait ça, il a des raisons. Et si les suivants vont dire, non seulement on va le faire, mais c'est pour tout le monde, Par exemple, la Révolution reconnaît la citoyenneté des Juifs, qui étaient considérés comme des sous-êtres humains, d'ailleurs, déicides, il n'y avait même pas besoin de discuter avec eux. C'est un couronnement de tout ça. C'est-à-dire qu'on va dire, mais attendez, pourquoi on fait une exception pour cela ? Non, non, ils sont comme les autres, nous sommes tous semblables. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Allez à Champagné, en Haute-Saône. Je raconte l'histoire. C'est un officier de cavalerie, on est au XVIIe siècle, qui va en vacances là-bas, il s'ennuie. Alors, bon, il fait un peu de politique, il est membre de la Société des Amis des Noirs. Allez, il va voir les bourgeois du coin, là, ils sont pas très nombreux, à la sortie de la messe, puis il leur explique, ah, c'est pas possible cette histoire, vous savez, on met des Noirs dans des cales, on les enchaîne pour faire de l'argent. Des Noirs ? Qu'est-ce qui est noir ? Ben non, le type est noir. Ah bon, ils sont noirs ? Noirs ? Ça existe, ça ? Alors, je dis, oui, oui, bien sûr, ça existe, les Noirs. D'ailleurs, venez, il les emmène voir la crèche, une peinture de la crèche. Vous voyez, Balthazar, il est noir. Ah, notre Seigneur a été honoré par un noir. Et vous dites qu'il y a des hommes noirs et qu'on les met dans des bateaux pour les vendre. Ah, mais c'est insupportable. Alors il dit, ça tombe bien, j'ai une pétition. Donc il y a une pétition. Et qui dit, nous sommes tous créatures de Dieu. Donc, d'accord. Et dit, nous sommes tous semblables. Il dit pas autrui. Il aurait pu dire autrui, hein, pour être dans le vocabulaire catholique. Il dit semblable, qui est le vocabulaire de la Société des Amis des Noirs et des loges maçonniques. Et alors les gens, ils signent tout ça, ils envoient au roi. Donc la seule fois où des Français ont eu quelque chose à dire sur l'esclavage, ça a été pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc je trouve que c'est à l'honneur du peuple français, de ces pauvres gens là-bas de la Haute-Saône, hein, ils n'étaient pas au bord de la mer ceux-là, hein, et qui ont dit, ben non, non, on n'est pas d'accord pour que les gens soient maltraités. Et vous voyez comment, au fond, le bon peuple est producteur d'idées de sens commun. C'est-à-dire, bon, les protestants nous ennuient, bon, d'accord, ils honorent pas bien le Seigneur, ils le trahissent, donc on va les tuer, comme ça on en sera débarrassé. Hein. C'était très courant, l'évêque de Pamiers, les cathares, ils disaient, hop, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, bon, c'est... Mais ça marche pas. Donc les réponses de bon sens, c'est bon, bah, puisqu'il n'y a pas moyen de s'en débarrasser, bah, on va faire ensemble. Jean-Luc Mélenchon, merci de nous avoir accordé cet entretien pour les amis et les lecteurs d'Hérodote.net. Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les eaux même sont tremblants. La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Ruinés, ça prend le temps, le manche des mauvais jours finiront. Et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère aux côtés de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, valets de rois et d'empereurs. Oui, mais ça prend le temps, le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Nous voilà rendus aux jésuites, aux MacMahon, aux Dupont-Loup. Il va pleuvoir des eaux bénites, les troncs vont faire un argent fou. Des demains en réjouissance, et Saint-Eustache et l'opéra vont se refaire concurrence, et le bagne se peuplera. Oui, mais ça prend le temps, le manche, les mauvais jours. Quand tous les pauvres s'y mettront. les manons, les lorettes et les dames des bouffons porteront sur leurs collerettes des chasse-pots et des tambours. On mettra tout au tricolore, les plats du jour et les rubans, pendant que le héros Pandore fera fusiller nos enfants. Oui, mais ça prend le temps, le manche, les mauvais jours iront. Et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service, et le pistolet en sautoir. Sans passe, sans travailler, sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuplés, des curés. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours. Les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au col de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusque à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la république de la justice et du travail? Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Monde méditerranéen, empreinte de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Et nous allons voir la deuxième partie de ce thème en abordant la Méditerranée médiévale, espace d'échange et de conflit à la croisée de trois civilisations. Alors, après les combats de gladiateurs et autres batailles sanglantes vues dans le chapitre précédent, je vous propose de poursuivre les réjouissances en parlant du Moyen-Âge. Vous savez, cette période où les enfants se font dévorer par une meute de loups enragés pendant que leurs parents creusent la terre à la recherche de quelques racines pour ne pas mourir de faim. Bon, ça y est, j'ai bien vendu mon produit, tout le monde est prêt à écouter? Alors, le Moyen-Âge, qui s'étend du 5e siècle après Jésus-Christ jusqu'au 15e siècle, est une période qui a longtemps été considérée comme obscure, marquée par un repli intellectuel. C'est en fait une période d'une grande richesse en termes d'échanges entre les trois grandes civilisations qui s'affirment en Europe et dans l'espace méditerranéen. La civilisation musulmane, la civilisation byzantine et la civilisation chrétienne occidentale. À la fois concurrentes et alliées, ennemis et partenaires commerciaux, ces trois civilisations vont nouer des relations complexes entre elles. Alors la problématique sera, quelles relations se nouent entre les trois grandes civilisations présentes dans l'espace méditerranéen au Moyen-Âge? Et pour y répondre, nous ferons un plan en deux parties. Dans une première partie, nous traiterons les trois grandes civilisations de la Méditerranée au XIIe siècle, puis nous verrons la Méditerranée, un espace de conflit, de contact et d'échange. Donc, grand 1, les trois grandes civilisations de la Méditerranée au XIIe siècle. Et nous allons commencer par le monde musulman, grand A. Alors, la religion musulmane apparaît au 7e siècle sous l'impulsion du prophète Muhammad, né en 571 et mort en 632. Vous m'excuserez pour la prononciation un peu moisie. C'est une religion monothéiste qui s'appuie sur le message de Dieu rapporté dans le Coran. L'islam repose sur les 5 piliers que vous connaissez par cœur depuis le collège, à savoir la profession de foi, les 5 prières par jour, l'aumône, le pèlerinage à la Mecque et le jeûne pendant le mois du Ramadan. Cette religion se diffuse rapidement après la mort de Muhammad sous l'impulsion des califes qui proclament le djihad, la guerre sainte, dans l'Est jusqu'en Inde et le Sud de la Méditerranée ainsi que dans la péninsule ibérique. Le développement de la civilisation arabo-musulmane se fait dans les villes comme Bagdad, Damas, Cordoue ou bien encore le Caire. La culture est à la base du pouvoir des califes qui favorise la poésie, la philosophie, la médecine et la géographie. Les penseurs musulmans s'appuient sur l'héritage grec, mais aussi hindou, perse et romain. Le monde musulman qu'on appelle l'Oumma, la communauté des croyants, est très vaste et il est rapidement divisé entre les sunnites et les chiites. Les chiites et les sunnites s'opposent sur la légitimité du calife, le chef politique et religieux des musulmans. À partir du Xe siècle, des califats rivaux vont se mettre en place. L'empire des Almoravides au Maghreb et en Espagne, le califat fatimide en Égypte, ou encore l'empire seldjoukide au Proche et Moyen-Orient. Grand B, l'empire byzantin. Alors l'empereur de l'empire byzantin, qu'on appelle le Basileus, est issu de la tradition de l'empire romain d'Orient. Il détient son autorité de Dieu et son pouvoir est universel, à la fois politique et religieux. Il nomme le chef de la religion, le patriarche. Sa capitale est la ville la plus riche et la plus peuplée, Constantinople. Située à la jonction des routes de la soie qui vont jusqu'en Asie et des routes commerciales européennes, elle accueille des commerçants venus de toutes les civilisations méditerranéennes. Après le schisme de 1054, la religion chrétienne orthodoxe se différencie progressivement de la religion catholique. Enfin, d'un point de vue culturel, Constantinople est le lieu de conservation de la culture grecque, avec notamment la bibliothèque impériale qui contient plus de 120 000 manuscrits. L'armée byzantine a cependant du mal à résister aux assauts perses puis musulmans qui prennent le Proche-Orient ainsi que la Sicile. La dynastie des Comnènes parvient à mettre fin aux crises de succession et aux coups d'État au XIe siècle. Mais le pillage de Constantinople par les Occidentaux lors de la quatrième croisade en 1204 affaiblit durablement l'empire qui disparaît définitivement en 1453 avec la chute de Constantinople. Grand C, l'Occident chrétien. À la chute de l'Empire romain d'Occident, l'Europe occidentale se morcelle en une multitude de seigneuries et de royaumes. Et malgré la tentative au IXe siècle de recréer l'unité du monde latin sous les Carolingiens, avec notamment Charlemagne, qui est sacré empereur à Rome en l'an 800, la situation reste confuse. Les invasions vikings fragilisent encore davantage les États et amènent à une contraction des échanges. À partir du XIIIe siècle, cependant, les rois occidentaux construisent progressivement leur autorité, même si le système féodal reste à la base de l'organisation sociale. Féodal, féodalité, c'est clair, non? Bon, la féodalité, c'est l'organisation de la société médiévale qui va reposer sur des liens de dépendance d'homme à homme, de vassal à suzerain, vous savez, avec la cérémonie de l'hommage. Bref, l'église romaine, qui est placée sous la direction du pape, qui est l'évêque de Rome, assure l'unité de cet espace. Elle s'appuie sur un clergé nombreux qui va encadrer les pratiques. Le pouvoir politique, notamment l'empereur du Saint-Empire romain germanique, cherche à contrôler et à s'accaparer les richesses de l'Église. Sous l'impulsion des papes, dont Grégoire VII, Rome souhaite réaffirmer sa seule autorité sur le clergé. La formation du clergé est améliorée pour mieux encadrer les fidèles, et l'élection du pape se fait uniquement par les cardinaux. Ce sont les réformes grégoriennes. Le pape espère faire l'unité de l'Europe occidentale autour de lui. Enfin, l'Europe occidentale connaît une forte croissance de sa population à partir du Xe siècle, et les progrès techniques permettent une hausse du niveau de vie. À partir du XIIe siècle, on assiste à la naissance de villes dans lesquelles se développent l'artisanat et le commerce. Ce sont les villes de foire comme Troyes. Ce monde urbain naissant joue un rôle crucial dans le développement du commerce, avec de nouveaux besoins pour le petit peuple et surtout la bourgeoisie commerçante qui se développe. Le centre de gravité économique commence à se déplacer des campagnes vers les villes. Grand 2, la Méditerranée, espace de conflit, de contact et d'échange. Grand A, un espace d'affrontement entre chrétiens et musulmans. En 1095, le pape Urbain II lance un appel à la croisade pour libérer le tombeau de Jésus-Christ à Jérusalem et la Terre Sainte située en Palestine. Il promet à ceux qui combattront, qu'on appelle les croisés, le salut de leur âme. Des milliers de chrétiens prennent alors le chemin de la Palestine. En 1096, cette croisade populaire est massacrée par les Turcs. La croisade des seigneurs, quant à elle, qui réunit les rois et les barons, parvient à s'emparer de Jérusalem en 1099. Les juifs et les musulmans sont alors massacrés. Ces chefs croisés créent quatre principautés féodales et mettent en place un puissant système de châteaux forts pour assurer leur sécurité. Ce sont les états latins d'Orient, qui réunissent les états de Tripoli, d'Antioche, d'Édesse et de Jérusalem. Des ordres monastiques militaires comme les Templiers ou les Hospitaliers se mettent en place pour sécuriser les états latins d'Orient et le pèlerinage vers Jérusalem. Ces états permettent, malgré les tensions, une paix relative qui favorise le commerce. Les musulmans réagissent et lancent un djihad. Édesse est reprise en 1144. Bernard de Clairvaux, moine bourguignon qui dirige l'ordre cistercien, appelle à la mise en place d'une deuxième croisade qui se déroule entre 1146 et 1149. Mais elle n'empêche pas Saladin, qui a chassé les Fatimides en Égypte, de reprendre plus tard Jérusalem en 1187. La troisième croisade ne parvient pas à reprendre la ville sainte. La quatrième croisade est détournée de son objectif et les croisés pillent joyeusement la ville de Byzance en 1204. il y aura au total 8 croisades. En Espagne, les rois chrétiens profitent des difficultés politiques musulmanes pour se lancer dans la Reconquista, la reconquête des terres détenues par les musulmans. Les chrétiens prennent Tolède en 1085, et en 1212, l'alliance des rois espagnols et portugais permet la victoire de Las Navas de Tolosa. Grand B, un espace d'échange. Malgré les conflits religieux et les tensions, les échanges augmentent et se structurent dans le bassin méditerranéen à partir du Xe siècle. Les produits de luxe, consommés par l'aristocratie, viennent parfois de loin. L'or provient en grande partie du Mali, la soie de Chine, les épices d'Inde, les fourrures d'Europe du Nord. Ces marchandises sont transportées par des caravanes terrestres, puis elles traversent la Méditerranée par bateau. C'est l'époque de Marco Polo qui raconte son voyage en Chine à la fin du XIIIe siècle. Les échanges entre Orient et Occident chrétiens sont surtout organisés et contrôlés par les Italiens, qui obtiennent dans tout l'Empire byzantin des privilèges les exonérant de taxes. Ils s'installent à Byzance dans des quartiers qui leur sont réservés. Les Italiens s'installent aussi dans certains ports musulmans. Les croisades renforcent encore le rôle des cités italiennes qui sont chargées de convoyer les croisés dans les États latins d'Orient. Et parmi ces cités, Venise se taille un véritable empire maritime avec une flotte puissante et de nombreux comptoirs. En 1204, lors du sac de Byzance, les Vénitiens prennent le contrôle d'une large partie de l'Empire byzantin. La puissance de Venise suscite des rivalités avec les autres cités comme Pise et surtout Gênes, qui dégénèrent parfois en conflit. Les marchands médiévaux mettent au point de nouvelles techniques de commerce comme la lettre de change. La lettre de change, c'est un peu l'ancêtre de notre chèque. Elle permet d'éviter de transporter de l'argent et donc de se le faire voler. Arrivé à destination, le porteur de la lettre de change la remet à un banquier qui lui donne alors le montant inscrit sur la lettre, moins une petite commission, bien sûr. Les marchands mettent en place des réseaux commerciaux, comme les banquiers lombards, des systèmes d'assurance et des compagnies de commerce. La multiplication des échanges s'accompagne d'évolutions techniques. Au XIIIe siècle apparaissent de nouveaux navires comme les nefs et de nouveaux instruments de navigation, astrolabe et boussole, transmis par les navigateurs musulmans. Les portulans permettent aux navigateurs italiens de se repérer. Alors, un portulan, c'est une carte de navigation qui va représenter les ports et les dangers qui les entourent. Grand C, des espaces de contact, Sicile et Espagne. Les Normands conquièrent la Sicile à partir du XIe siècle. Ce territoire qui avait été byzantin, puis musulman, va être le lieu d'un mélange culturel. Les Normands conservent certaines traditions, comme les noms arabes ou le système des impôts byzantins. Les églises reprennent les mosaïques byzantines et les décors caractéristiques des mosquées, arabesques, décors en stuc. Les rois accueillent des scientifiques musulmans comme le géographe Ibn Jubayr. En Espagne, dans la partie musulmane, les chrétiens bénéficient du statut de dhimmi. Un dhimmi, c'est un non-musulman vivant sur les terres musulmanes qui peut conserver son mode de vie et sa religion en échange d'un impôt. On les appelle les mozarabes en Espagne. Dans ces royaumes, la présence de juifs et de chrétiens permet la traduction de textes qui permettent les échanges culturels. Les rois chrétiens accordent un statut comparable pour les musulmans qui souhaitent rester dans les territoires conquis. Ce sont les Moudéjars. Cependant, à partir du XIIe siècle, les mozarabes sont progressivement chassés des villes musulmanes dans le cadre du djihad, de la guerre sainte. La Méditerranée au Moyen-Âge est donc un espace où se côtoient trois grandes civilisations qui vont entretenir entre elles des relations conflictuelles et intenses. Les XIIe et XIIIe siècles voient se développer des conflits pour la maîtrise de cet espace, mais aussi et surtout des échanges commerciaux et culturels. Ainsi, les échanges technologiques liés à la navigation vont permettre aux Espagnols et aux Portugais, soucieux de contourner la puissance musulmane et vénitienne, de découvrir de nouvelles routes et de nouveaux territoires. Ce sera la suite dans le prochain épisode. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très bientôt. Plus haut que Dieu décida de faire mourir. matin, c'est sous le ciel. Je pleure au bord de la Moselle et j'attends les oiseaux. On dit que partout c'est pareil, qu'ils sont morts dans leur sommeil d'avoir oublié trop. Ceux qui s'étaient perdus ont dû s'en aller si haut, qu'ils se sont brûlés sur le soleil. Ils ont décidé de nous finir aujourd'hui. Voilà, ils ont décidé de nous finir. Et après, ils se demandent pourquoi les gens ne se déplacent plus pour aller voter. Ok, ajoutez encore ce problème, c'est devenu encore gros marito. Vous trouvez ça normal, non ? Bah non. Hein ? Non, un mur entre la Seine-Saint-Denis et Paris. On fait comment maintenant ? Eh bien, on monte le son. Malheureusement, ce mur ne résoudra pas le problème. Et que le problème, c'est pas de déplacer les toxicomanes d'un endroit à un autre. Le problème, c'est de créer un vrai centre de lutte contre les addictions pour leur permettre de décrocher de la drogue et les sortir de la rue. Entre Paris et sa banlieue la plus populaire, créer un mur, ça veut dire enfermer. Ça veut dire enfermer les gens dans leur situation sociale, enfermer les gens dans leur territoire, et ça n'est pas possible. Et donc on ne peut pas installer ces toxicomanes entre Paris et la Seine-Saint-Denis. C'est juste pas possible. Il faut réussir à créer une structure. Tous les jours nos portes sont pétées, sont cassées parce que on abrite du deal dans nos poubelles. Et aujourd'hui on va avoir quoi ? Comment ça va se passer ce mélange de population précaire qui est sous crack avec nos dealers ? C'est quoi ? C'est le western ? Ou alors c'est la plateforme, c'est la colline du crack fois 1000, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais vous venez parce qu'il y a des élections ? Non. Et parce que Non, je venais. Mais on ne vous voit pas le reste du temps. Ah si. Moi si, j'habite si. Dans le quartier, je travaille dans le quartier. Quand vous, à chaque fois que vous êtes déplacée, je l'ai su, même quand j'étais pas présente. Le reste du temps n'existe pas. Le reste du temps n'existe pas. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Amis, entends-tu le cri sourd du pays sur l'enchaîne ? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens entre des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Deuxième moitié du siècle dernier, c'était il y a une quarantaine d'années, nombreux étaient celles et ceux qui considéraient que parler le patois, c'était quelque chose de ringard et que cela appartenait au passé. Quelques régions néanmoins, comme l'Alsace, la Bretagne, la Corse, tenaient bon. Elles ont été en quelque sorte précurseurs de l'engouement que connaissent aujourd'hui les Landes régionales. Il n'y a qu'à voir le grand succès populaire des Polyphonies Corses, du film Bienvenue chez les Ch'tis, ou encore de Nolwenn Rolleroy. Les Landes régionales apparaissent maintenant comme un véritable phénomène de société. Elles vont être enseignées dans les écoles, et depuis 2008, notre Constitution reconnaît qu'elles appartiennent au patrimoine de la France. Notre invité, Alain Litaize. Bonjour Alain Litaize. Bonjour. Fils du célèbre organiste Gaston Litaize, s'est passionné depuis longtemps pour les Landes régionales, au point d'y consacrer sa carrière. Vous avez en effet, après quelques années passées dans l'enseignement, d'ailleurs c'est un paradoxe parce que je crois que les études n'étaient pas votre tasse de thé quand vous étiez très jeune, eh bien, vous êtes rentré au CNRS, à Nancy, pour réaliser une publication pour l'Atlas linguistique et ethnographique de la Lorraine romane. Cette publication a nécessité 7 années d'enquête, d'enquête minutieuse sur le terrain, et elle sera suivie de nombreuses autres publications. Très tôt, Alain Litaize, le patois vosgien, a été familier. En effet, vos parents parlaient parfois le patois entre eux, non pas dans les Vosges, dont ils étaient tous deux originaires, et où ils allaient en vacances avec vous d'ailleurs, mais à Paris, où vous avez passé une bonne partie de votre enfance. C'était dans quelles conditions, dans quelles circonstances qu'il parlait comme ça le patois? Alors, il y avait une part de jeu, et puis il y avait aussi, quand il voulait que mes sœurs et moi, nous ne comprenions pas ce qu'ils échangeaient. Non pas que c'était des secrets impossibles à entendre par des enfants, mais bon, il y avait une pratique du patois chez mes parents qui m'a un peu surpris quand j'étais gamin. Et puis, à partir du moment où je leur ai répondu, en français quand même, lors d'une discussion qui tenait en patois, j'étais très très très en avance à l'époque, et quand vous dites que les études n'étaient pas ma tasse de thé, j'étais pas une bête à concours. J'étais assez paresseux, je dois le reconnaître. Bon, paresseux, mais enfin, pour avoir fait durant 7 années d'études sur la langue régionale, ah oui, il y a une autre forme de paresse, si je puis dire, qui pourrait apparaître. Là, c'est pas vraiment de la paresse. Alors justement, on parle de langue régionale, on parle de patois, ou on parle encore de dialecte. Quel est le terme que vous utiliseriez et quel est celui que vous préférez et pourquoi? Et quelle différence il y a entre... Patois, sans aucun doute, même si c'est le plus dévalorisé de tous. Alors, pourquoi dévaloriser, justement? Mais parce que la plupart des gens ont encore dans l'esprit l'époque où les patois étaient méprisés. Et donc, souvent, on emploie... Le nom de gueux, le nom de plouc, quoi. Voilà, hein, bon. Alors que c'est complètement faux. Et dans la mesure où les gens sont bilingues, c'est un enrichissement invraisemblable d'être bilingue. Et le patois est une langue en soi. Et je préfère le terme patois à langue ou à dialecte, parce que pour moi, patois, c'est le langage d'une commune, voire d'un hameau, par opposition à un autre. Des micro-différences. Hein, là, je suis en train un petit peu de pinailler, mais enfin, c'est mon métier. Et donc, patois, pour moi, est le mot qui parle le mieux, le plus, et qui correspond le mieux à la réalité. Alors, vous parlez de bilinguisme, oui. Justement. Et ce n'est pas paradoxal aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, un mot qui fait fureur, un mot qui a beaucoup d'ennemis, mais qu'il faut quand même reconnaître, où tout le monde parle anglais, ou pour se comprendre, il faut parler l'anglais. Est-ce que c'est pas paradoxal d'apprendre le patois et puis de ne pas s'ouvrir au monde avec d'autres langues comme l'anglais ou l'allemand ou le russe ou le chinois? Alors, je ne suis pas Claude Agege. Si j'étais Claude Agege, qui ne parle que 30 ou 40, pas, qui ne parle que parfaitement que 30 ou 40 langues et qui en baragouine à peu près autant, je suis du peu, je vous dirais que toute langue a sa noblesse, a son intérêt et mérite d'être connue, apprise et utilisée. Bon, je ne suis pas Claude Agege, mais vous comprenez ce que je veux dire. En soi, une langue a sa richesse, sa valeur intrinsèque. Et donc, bien sûr qu'il faut parler anglais, bien sûr. Mais quand vous pensez que le CNRS, à une époque, me demandait d'écrire mes publications sur les patois en anglais, j'ai pas eu d'humour ce jour-là. J'ai refusé. Bon, donc, hein, parce qu'il faut quand même raison garder. Comme Renault ou Air France qui animent le conseil d'administration en anglais. C'est n'importe quoi et ce n'est pas respecter sa langue maternelle et la langue nationale. Alors, à l'époque où les gens ne parlaient que patois et ne comprenaient pas ou étaient incapables de parler français, c'était un peu gênant. Mais cette époque est révolue, ou à peu près révolue, en gros, depuis 1914, au tournant du siècle dernier. Mais il y a une richesse, encore une fois, à la fois lexicale, donc le vocabulaire, syntaxique, donc la grammaire, phonétique, sémantique, c'est-à-dire le sens des mots. Je ne sais plus ce que j'oublie, mais enfin, bon, au moins ces quatre aspects-là, il y a sûrement le cinquième qui reviendra tout à l'heure, mais... Vous avez des caractéristiques de langage qui sont propres à chaque langue. Alors, quelles sont les caractéristiques, justement, quelles sont les caractéristiques du patois vosgien? Des patois vosgiens. Des patois vosgiens. Excusez-moi. Alors, combien il y en a? Il y en a un par village. Et comme j'ai fait une enquête au Val d'Ajol, au Pré-Bosson... Dans le cadre de ces enquêtes... Oui, en dessous de la Vallée Dorothée, eh ben je maintiens, je persiste et je signe que le patois du Pré-Bosson, par rapport à la Vallée Dorothée, a des micro-différences. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Bien. D'une manière générale, de manière globale, le patois vosgien, ses origines et comment on peut le caractériser? Le latin. Vous partez du latin et vous n'en sortez pas. Alors, il est évident que nous sommes tout près de la frontière germanique et donc qu'il y a des influences germaniques importantes. Je vois par exemple à Baramba. Baramba, c'est dans les vallées vosgiennes d'Alsace, c'est dans le Val de Villers. J'ai interrogé un Déodat Humbert, excusez de la beauté de la chose, pour qui le myosotis, c'est Fertismaini. Oui, en emprunt l'allemand. Je ne vois pas le latin là-dedans, c'est plutôt l'allemand. Non, c'est, oui, mais il est pile poil sur la frontière linguistique. Pile poil. Et il parlait quatre langues. Le français, le patois roman, le plat alsacien et le Hochdeutsch. Parce qu'il était né allemand, le pauvre. Donc, moi, ça ne me dérange pas, les apports. Le français ne s'est pas fait qu'à partir du latin. Il s'est fait aussi à partir de l'allemand. Quand vous parlez d'un canoë-kayak, ben c'est de l'esquimau, ce qui est relativement logique, d'ailleurs. Hein. Je ne vois pas bien aller chercher ça au Congo belge. Bon, ex-belge. Au niveau de notre patois, oui. Donc, vous l'avez étudié, le patois loran, donc qui comprend oui. Je ne sais combien de langues, 200-300, je crois, si je ne me trompe. Vous l'avez étudié par rapport à des enquêtes. Alors, oui. Ces enquêtes sur le terrain, comment oui. Est-ce que vous avez fait pour les mener? Comment vous avez choisi vos équipes? Je crois même qu'il y avait des pièges pour vérifier si vos informateurs étaient bons ou n'étaient pas fiables. Ah, vous avez rencontré une certaine Elena qui vous a beaucoup marqué. Alors, parlez-moi des enquêtes et ensuite d'Elena. Non, je commence par Elena. Si ça vous dérange. Soyons galants. Voilà. Elena, c'est mon informatrice, ma première informatrice, une femme d'une intelligence rare. Elle n'avait pas beaucoup de diplômes, elle avait son certificat d'études. Mais son certificat d'études, à son époque, ça valait bien le bac d'aujourd'hui. Bon. Et Elena, elle comprenait ce que je, débutant, je venais chercher. C'était pour ma maîtrise que je l'ai rencontrée. Elle comprenait, elle m'a tout expliqué. J'ai eu de la chance. Alors, je l'avais rencontrée par l'instituteur de Mortagne, qui était secrétaire de mairie, et elle habitait à Mortagne, donc comment vous alliez trouver vos témoins? Alors, par relation, un cercle, un point d'ailleurs, d'abord, puis un cercle, il est concentrique, et il s'élargit de plus en plus, et puis on finit par être un peu connu, on finit par avoir des accointances avec des gens qui sont bien impliqués sur le terrain. Alors on va voir ce qu'on appelle les informateurs, ou on peut appeler ça des témoins, comme on veut, peu importe. Alors, il y a des gens, les autres nous disent, ils parlent très bien patois. Ah oui, j'ai eu l'exemple, une Polonaise. D'accord. Bon. C'était un Robert Espagne dans la Meuse, mais si vous voulez tous les détails. C'était un Meusien qui vous avait dit ça. Non, c'était quelqu'un de bonne foi, mais qui n'avait pas compris. Il était de bonne foi. Ça arrive de ne pas comprendre. Alors, Elena, au contraire, elle a tout compris. Elle m'a tout expliqué. Et quand je connais... Alors, une chose admirable, je trouve, je lui demande comment on m'appelle la brimbelle, parce que moi, Myrtille, je connais pas, c'est un mot du dictionnaire. Elle me dit les bleus, la bleue. Mais je lui dis, vous foutez de moi? C'est pas la brimbelle? Ah non! La brimbelle, c'est quand on parle français. Et j'ai une étudiante à la fac à Nancy. Je fais mon cours sur la brimbelle, sur la carte de la brimbelle, sur l'atlas. Je lui explique que, tout l'est du domaine, depuis les vallées vosgiennes d'Alsace jusqu'au col du Haut-Jacq, c'est la brimbelle. À l'ouest du Haut-Jacq, c'est la bleue. Bon, le bleuet au Canada. On est bien d'accord. Brimbelle, c'est le brimborion. Donc, on désigne la chose par sa taille. Et ceux qui ont cueilli des brimbelles et rempli un pot de camp, ils savent ce que c'est que la taille d'une brimbelle. La bleue, c'est la couleur. J'explique je fais une étude de la carte, la myrtille, donc, puisque c'est du français, et puis je parle de la différence entre myrtille et brimbelle. Et il y a une étudiante qui lève la main et qui me dit « Monsieur, est-ce que je peux vous poser une question ?» Alors, une étudiante qui pose une question, on est... mais alors, on nage dans le bonheur. Déjà à cette époque. Ah oui. Elle me dit « Monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. » Très bien, moi ça ne m'arrange pas. Comprenez, monsieur, quand ma mère et moi, nous allons acheter ce fruit au marché à Épinal, on achète des myrtilles. Mais quand nous allons les cueillir, on va aux brimbelles. Je l'ai applaudi et je lui ai dit, mademoiselle, vous avez une perception de la langue admirable. Vous achetez le produit. C'est donc le mot français, parce que on troque contre l'argent. Donc, c'est l'objet français. Quand vous y êtes, vous appropriez la chose. Donc, c'est le mot régional. Et en psycholinguistique, je trouve ça remarquable. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Patrimoine de la France, justement. Qu'en pensent les Françaises et les Français ? Nous sommes allés sur le terrain. Je trouve ça très important de voir les différentes cultures régionales. Et donc, moi, en Picardie, j'ai du patois. La caillelle, c'est la chaise. Ici, je crois que c'est... Hippo-Iloquine crevette, ça veut dire encore un lapin de crevé ce soir. Donc c'est un peu, c'est important parce que de voir différentes paroles et différents patrimoines aussi, parce que ça reste un patrimoine. Donc voilà, je pense que c'est important de les conserver. Il faut avancer avec le passé. Donc voilà, je pense que c'est super important. Il faut conserver. Et pourquoi faut conserver ? Ben parce que c'est une partie, ça fait partie du patrimoine local. Ah, je le comprends si les anciens me le parlent, mais je suis incapable de m'exprimer en patois. Bah, je pense que c'est quelque chose à conserver parce que ça marque l'identité de la région. Mes parents, eux, ils parlent. Des fois, ils me sortent quelques mots que je comprends pas forcément, mais après. Combien d'enquêteurs sur le terrain ? Alors, il y avait beaucoup d'étudiants qui faisaient leur mémoire de maîtrise. À qui je servais de moniteur quand, à partir du moment où je suis rentré dans l'équipe. Il y avait le patron Jean Lanner, il y a quelqu'un qui a fait beaucoup d'enquêtes avant moi, c'était Jean Richard, qui avait une oreille fabuleuse, mais l'inconvénient, c'est que tout ce qui était matériel, il ne comprenait pas forcément. Vous parlez d'oreille, justement. Oui. On sait que vous êtes le fils de Gastrolithèse, donc oui. Vous étiez à bonne école. Est-ce que l'oreille a une importance primordiale, fondamentale. Fondamentale. C'est fondamental parce que vous avez des nuances dans les patois, comme je disais tout à l'heure, la feuillée Dorothée, le Prébosson, hein. Ces nuances... Par rapport à la prononciation, par rapport à la longueur de la phrase, le Lorrain, le Vosgien, traîne un petit peu. Non, il ne traîne pas. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Comme dit Vanoni, dans les autres régions, bon, ils ont des accents. Nous, ça nous étonne parce que des accents, on n'en a pas. Bon. C'est du Fanoni dans le texte, mais c'est très bien. Parce que on ne s'entend jamais parler soi-même. On ne s'entend jamais parler soi-même. C'est parfaitement exact. Nous avons une accentuation différente du français parce que les patois lorrains, vosgiens si vous voulez, et Romiremontin, Romaremontin, pardon, si vous préférez, ce n'est pas du français. 10 secondes encore. Et donc, on allonge les voyelles, notamment les voyelles nasales, le lendemain, et le alors ma tante, Jeannette, elle prononçait le lendemain, le bouton n'était pas sec. Bon, fais attention. Ça, en, c'est ce qu'on appelle une voyelle nasale, hein. Peu importe comment on l'écrive, en, an, etc. Ça, c'est en. Toutes les voyelles nasales sont longues en lorrain. Donc, on a l'impression que l'on traîne. C'est une autre prosodie. Bien, je sens qu'on va découvrir pas mal de choses encore particulièrement intéressantes avec Alain Litaise, mais Alain, je sais que nous allons nous retrouver très souvent sur les antennes de TLV. Merci. Machio, aluku, kokolo, karuku, dareka ni aeru, kono michi de, kawaii, kimi ni, koe o kakete, konnichiwa, boku to, yukimasho. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, itsumo, nanika, suteki na, koto ga, Anata o matsu yo o Champs-Élysées Kimi o tsurete asobi ni yuko Minna ga atsumaru ano klabu Gita o hiite asamade uta o Kanoshiku sawaide koi o suru O Champs-Élysées O Champs-Élysées Kino made wa shiranai doshi kyou kara futari koibito sa michi o yukeba sekai wa yureru ai suru kimi to boku no tame ni oh Champs-Élysées oh Champs-Élysées itsumo nanika suteki na koto ga anata o matsu yo oh Champs-Élysées oh Champs-Élysées Champs-Élysées Itsumo nanika suteki na koto ga anata o matsu yo o Champs-Élysées oh Champs-Élysées oh Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci beaucoup d'être notre invité dans Toute Franchise ce soir. Alors Jean-Luc Mélenchon va bien sûr revenir sur ces dossiers majeurs du moment. Hein. Calais, les migrants, les réponses à apporter. Quelles réponses vous apporteriez-vous, Jean-Luc Mélenchon ? On parlera bien sûr des Antilles, de la situation sanitaire. Et pour commencer, J-7, Jean-Luc Mélenchon. J-7 avant votre meeting de lancement de l'Union populaire. Et puis un programme, il est là, c'est l'avenir en commun. 14 chapitres avec des fiches thématiques, c'est très clair. Mais Jean-Luc Mélenchon, ça vous agace ? Ça vous agace quand on dit qu'il y a peu de nouvelles mesures par rapport à 2017. Ça, je l'ai vu, vous le dites, ça vous agace. Et en même temps, vous expliquez que la campagne, c'est pas un cabaret avec à chaque fois un nouveau numéro. Oui. Oui, j'ai écrit. En fait, ça m'agace pas parce que, comme toujours, ça me donne une prise. Si vous voulez, quelle désinvolture et quelle incroyable superficialité de dire « Ah, mais c'est la même chose que la dernière fois ». Bah oui, ça prouve que la dernière fois, j'avais raison. puisque dans tous les compartiments que j'ai abordés, dans le précédent programme, la situation n'a fait qu'empirer ou confirmer le diagnostic, soit par exemple sur l'impasse dans laquelle nous mènent les institutions, le caractère monarchique, jamais on n'en avait vu autant que sous M. Macron et son conseil de défense. D'autres aspects de cette nature. Et puis je me dis peut-être que le commentateur aura envie d'aller regarder si vraiment il n'y a rien de neuf. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans le programme. D'abord parce que nous sommes restés au contact des gens qui en avaient formulé les principales propositions. Les associations, les syndicats, donc eux-mêmes bougent, évoluent en fonction des situations. Et nous, on a fait changer des choses en fonction de la situation. Par exemple, l'idée de créer un impôt universel sur les entreprises, elle n'est pas dans le programme de 2017. Depuis, les associations ont travaillé sur le sujet et on a repris l'idée. Ensuite, il y a des aspects qui sont devenus moins déclamatoires. Si vous voulez, par exemple, dire « nous en avons assez de l'agriculture productiviste et chimique ». Bon, très bien, avec deux, trois idées. Bon, je suis allé un cran plus loin, les équipes ont travaillé et on a dit « bon, on supprimera le ministère de l'agriculture » parce qu'il suppose qu'on produit n'importe quoi, n'importe comment et on s'en fout. Et on va aller sur un ministère de la production alimentaire, de manière à demain faire l'essentiel, c'est-à-dire produire ce dont on a besoin et surtout mettre un terme à des épidémies dont on parle peu, l'épidémie du diabète, l'épidémie des maladies cardiovasculaires, qui sont toutes le résultat de la malbouffe. Donc on a changé l'angle et on devient plus concret. Bon, si, au bout de trois fois, quand même, on peut être plus concret. Mais justement, c'était ma question. En quoi, pourquoi celui-ci serait plus convaincant pour les Français que la dernière fois ? Oh, ça va pas, ça va dépendre bien sûr de ce qu'il contient. On espère que les gens vont se dire, ah ben tiens, en le lisant, ils ont réfléchi au problème, ils disent comme moi-même je le pense, parce que, vous savez, ce programme, c'est pas, je l'ai pas fait avec quatre publicitaires et deux stratèges, hein. Non, c'est un travail vraiment de longue haleine. La personne qui a porté le projet, qui est Clémence Guettet, a passé des heures avec toutes ces associations, tous ces gens. On a produit quatre brochures intermédiaires. Non, c'est un gros travail de fond. Donc, il est normal que beaucoup de gens s'y retrouvent. En disant, ah ben ça, oui, ou je l'ai déjà entendu dans mon syndicat ou dans mon association. Mais vous alors, pourquoi plus cette fois-ci qu'une autre ? On va se battre pour convaincre. C'est ça. Si vous voulez, une élection, il faut en accepter la dignité, la majesté, le plaisir, qui est celui du débat, de la conviction. C'est pas une course de petits chevaux. Je vois de temps à autre des paroles qui concernent mes concurrents. On dit leur campagne décolle pas. Et alors ? Mais c'est pas fait pour décoller une campagne. C'est pas les cours de la bourse. C'est des idées qui sont avancées ou non. Donc savourons ce moment particulier de l'esprit public où tout le monde se mêle de tout. Mais quelle serait pour vous la mesure emblématique, exercice difficile, je vous l'accorde, oui, mais celle qui vous fait dire voilà ce qui me représente pour cette élection pour 2022. Bon, alors, il y a deux, je peux pas une, ça n'aurait pas de sens. Il y a 694 mesures là-dedans. Ce que je sais, c'est l'identification de trois problèmes majeurs, la démocratie. Donc, ça peut plus durer comme ça, avec ces institutions. Le deuxième, c'est la question de l'urgence sociale. Le pays est dévasté par l'inégalité, par la misère. Beaucoup des élites parisiennes ont du mal à se rendre compte qu'il y a 8 millions de personnes à l'aide alimentaire. Ça, c'est la deuxième grande cause, la dignité des personnes, le droit des Français de vivre. Et puis le troisième élément, c'est peut-être lui qui devrait passer en tête, vous voyez la difficulté, c'est la conséquence terrible que va avoir le changement climatique sur toute notre vie quotidienne. C'est pas, et attention, hein, c'est pas pour demain, c'est déjà commencé. Et beaucoup de gens n'en ont pas tout à fait conscience. Il y a une mesure en ce moment qui vous tient particulièrement à cœur, c'est la militarisation de l'espace et la dissuasion nucléaire. Ça fait plusieurs fois que vous communiquez sur le sujet, vous avez même recommuniqué hier, et en fait, vous êtes même assez agacé, vous le dites dans le communiqué, de voir que le débat ne prend pas sur le sujet. Et moi, je voudrais comprendre pourquoi ça suscite à ce point votre colère. Parce que c'est une... Oh, c'est pas une colère, c'est que c'est un... Les sujets qui concernent la sécurité du pays, c'est une question essentielle, me semble-t-il. Dans le passé, les Français et les responsables politiques et autres s'intéressaient aux questions de défense. Il faut dire que le général de Gaulle les avait amenés sur la table avec une vigueur remarquée. Il avait décidé de la dissuasion nucléaire et elle devait être tous azimuts. Alors, les gens peut-être ne se rappellent pas ce que ça veut dire, mais tous azimuts, on lui a dit, comment tous azimuts, vous pensez aussi aux Américains ? Il a dit, oui, tous azimuts. Alors, c'était un scandale énorme. Mais ensuite, quand la poussière est retombée, on s'est dit, c'est bien pensé, les Français ont un système de défense qui dit, nous n'agresserons personne, Mais le premier qui nous touche en cheveux va prendre cher. Bon, on a le nucléaire. Voilà, on a la dissuasion nucléaire. Et moi, voilà plusieurs années que je défends et j'essaye de faire prendre conscience que l'espace est le nouveau lieu d'expansion de l'humanité. Nous y sommes. Cet espace est rempli d'objets autour de la Terre et nous avons appris récemment, on savait, hein, pour ceux qui s'y intéressent, les Russes ont détruit un satellite depuis la Terre. C'est un événement considérable parce que cette fois-ci, par moyen de faire semblant de ne pas l'avoir vu. En fait, les Chinois l'ont déjà fait et les Américains aussi. Maintenant, tout le monde voit. Donc, Madame Kerouard, c'est simple à comprendre, la déduction. Si depuis la Terre, on peut détruire un objet qui est dans l'espace, cela signifie sans doute que depuis l'espace, on est capable de détruire un objet qui est sur la Terre. Par conséquent, à quoi sert l'arme de dissuasion nucléaire telle que nous la connaissons, comme moyen de la dissuasion? À quoi elle sert? Puisque depuis l'espace, on peut être détruit de manière beaucoup plus subite, beaucoup plus imprévisible qu'on ne l'est par un tir de la Terre à la Terre. Voilà une question majeure. Et si les autres sont capables de le faire, j'estime que nous devrions être capables de le faire. Ce n'est pas moi qui ai décidé ça. La militarisation de l'espace, je suis contre, et je suis pour qu'on reprenne les discussions pour le démilitariser. Mais dès lors que quelqu'un, depuis l'espace, est en état de nous frapper, eh bien, les Français doivent se dire, un, qu'ils sont sous cette menace, et qu'il y faut une parade. Et il faut y réfléchir avec sérieux. Parce que et avec qui, surtout? Bah, tout seul. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce que quand vous êtes tout seul, vous décidez pour vous-même. Si vous vous mettez avec d'autres, vous êtes plusieurs à décider. Laissez-moi vous dire qu'avec les planeurs hypersoniques et avec les tirs depuis les satellites dans l'espace, vous n'avez pas le temps de mener une très grande discussion avant d'organiser une riposte. Par conséquent, je suis pour une dissuasion spatiale à cette étape comme mesure la plus propre à nous garantir. Et surtout, permettrait au passage de commencer sérieusement à démanteler les arsenaux nucléaires. Vous savez, les gens ont oublié, parce que la guerre froide avec les Russes n'a plus lieu, mais les armes, elles sont toujours là. 6000 ogives nucléaires côté américain, 6000 côté russe. Ce sont donc des questions de première importance pour l'humanité tout entière, de dire, bah, si nous avons l'occasion de démanteler ces arsenaux parce que l'espace les rend inutiles, ensuite, c'est plus simple peut-être de décider que dans l'espace non plus, on ne se livrera pas à des tirs. Je ne veux pas faire exagérément peur, mais la situation n'est plus la même. Si il est possible de prendre sur la centrale de Nogent, qui est à côté de Paris, un tir depuis l'espace, c'est 12 millions de personnes à déménager, et ainsi de suite. Et c'est vrai à échelle internationale. Alors, vous savez, c'est toujours des questions, faut faire attention, on va pas faire peur, hein. Mais en même temps, faut réfléchir. Quand on parle de dissuasion nucléaire, je vois certains qui me disent, oui, t'inquiète pas, ça marche. Mais peut-être bien, mais c'est terrifiant comme système. Donc, à chaque étape, il faut réfléchir, et surtout réfléchir avant qu'il soit trop tard. Et les questions militaires, je trouve, et de défense, c'est pas traité sérieusement. Regardez, là, on a une colonne qui est bloquée au Niger, qui est passée... Alors, on attend quoi pour comprendre qu'on a un problème dans le Sahel, qu'on a un problème dans l'Afrique? Faut réfléchir avant, pas quand c'est la crise. Jean-Luc Mélenchon, donc je le disais, dimanche prochain, vous serez sur scène pour un meeting, votre meeting de lancement de l'Union populaire. Là encore, je vais faire très simple. C'est quoi l'Union populaire? Avec qui on fait l'Union populaire? J'ai cru entendre que vous ne seriez pas seul sur scène, qu'il y aurait du monde avec vous pour l'incarner. Qui incarne demain cette Union populaire, Jean-Luc Mélenchon? Alors, d'abord, commençons par répondre à votre première question, parce que c'est la plus simple et la plus juste. Qu'est-ce que c'est? Dès lors qu'il est apparu qu'il n'y avait plus d'unité possible au sommet, et cela a été pour moi tout à fait évident dès l'année dernière, parce que ce qui s'était passé pendant les régionales, plus ce qui se disait, tout ça devenait parfaitement clair. Je suis donc entré en campagne. Depuis, ceux qui tenaient les discours les plus émouvants sur l'unité, quoique ils ne la pratiquaient pas eux-mêmes beaucoup, ont dit, bah, nous avons nos candidats et on continuera. Une date récente, la question a été posée à M. Jadot et à Mme Hidalgo. Et les deux ont dit, bah, non, on est là, on a une proposition à faire. Je n'aurais pas l'hypocrisie de leur jeter la pierre. Il est tout à fait évident que nous n'avons pas fini de nous réorganiser. Ce sont donc les électeurs qui vont le faire, comme ils l'ont fait en 2017, en désignant celui d'entre nous qui leur semble être le mieux à même de représenter leur point de vue. Alors, puisque c'est pas possible au sommet, alors essayons de le faire à la base, et nous avons commencé par essayer de vérifier si c'était possible. On a donc fait des sondages sur les principaux mesures de notre programme. Et on trouve que, à chaque fois, ce sont d'énormes majorités pour. Ce qui nous met, nous, dans une situation un peu particulière, puisque si tout le monde est d'accord avec ce qu'on raconte, alors pourquoi ne votent-ils pas tous pour nous? Donc ça, c'est notre défi à nous. Mais Cette union populaire est donc possible à la base parce que des gens, s'ils ne sont pas d'accord sur les étiquettes de parti, par contre sont d'accord sur les idées. Profitons-en. Mais... Donc on a été chercher surtout, pardon, pour terminer de répondre à le troisième aspect de votre question, des personnalités, mais non pas du monde politique, du monde associatif, du monde intellectuel, du monde syndical, qui partageaient cette vision avec nous de la nécessité d'une rupture avec l'ordre actuel, l'ordre économique, l'ordre politique, l'ordre militaire, et qui sont en volonté de bâtir la nouvelle société qui fait face d'abord à l'immense défi qu'est le changement climatique, parce que celui-là, qu'on soit d'accord ou pas, on devra tous y faire face. Voilà ce qu'est l'Union populaire. Donc le 5, d'abord on tombe le même jour que Zemmour, donc chacun ira où il veut. On va en parler, on va en parler. On va en parler, mais petite question quand même. Comment pensez-vous que les électeurs puissent se dire « Ok, faisons l'Union populaire » s'ils se disent « Même les dirigeants ne sont pas capables de la faire ». Vous voyez ce que je veux dire ? Bah, non, je comprends bien. Mais ça s'appelle la démocratie. Il faut se faire à l'idée, les gens, comme dans notre vie d'adulte. Tous les jours, on fait des choix et, ma foi, il y a une part d'inconvénient. Eh bien, là aussi, il y a une part d'inconvénient. Bien sûr qu'il vaudrait mieux qu'on s'accorde tous et qu'on soit d'accord sur le même programme. Mais c'est rarissime dans l'histoire. Ça s'est produit deux fois, en 1965 et en 1974, et plus jamais ensuite. Donc c'est aux électeurs de trancher. C'est pas toujours très plaisant. On me dit, on peut pas être à 100% d'accord avec vous. Bah d'accord, moi non plus. Je ne suis pas à 100% d'accord avec moi. C'est la vie qui est comme ça. Mais choisissez un programme, choisissez une équipe. Moi, je me présente, je dis voilà, je suis capable de mener ces affaires, j'ai un programme à vous prononcer, à vous proposer, et j'ai une équipe de gens en moyenne assez jeunes, capables de porter l'avenir du pays. Eh bien, si vous en voulez, ce sera fait. Si vous n'en voulez pas, eh bien, vous ferez autre chose et nous nous inclinerons tous. Ça s'appelle la démocratie. Et donc, vous avez commencé à le dire, cette date du 5, c'est aussi la journée du meeting, du premier meeting d'Éric Zemmour ce jour-là. Alors, d'un côté, vous dites, j'ai autre chose à faire, je vous cite, que de faire une campagne de roi des castors, de faire le plus grand barrage contre l'extrême droite. Et en même temps, moi, je continue de lire vos notes de blog avant les émissions. Et le 19 novembre, vous dites, le lancement de l'Union populaire, c'est le lendemain du jour de la désignation du candidat de la droite, et c'est le jour du meeting d'annonce de candidature d'Éric Zemmour. On est là, dites-vous. Nous, on est là, nous, en ordre de marche, drapeau et musique en tête. En fait, ce jour-là, vous serez aussi satisfait d'être dans un face-à-face, de réinstaurer un peu le débat que vous aviez initié face à Éric Zemmour. Vous voulez ce jour-là dire « Voilà, je suis l'homme de la situation face à ces idées et à cet homme ». Oui, mais je le fais, bien sûr, attendez, puis je ne vais pas non plus... avoir la mauvaise foi de vous dire que il m'arrive pas moi aussi d'utiliser les tambours et les trompettes traditionnelles, mais je le fais, si vous voulez, en faisant mieux que de dire oh là là, quelle horreur, c'est l'extrême droite ou c'est la droite. Bon, ça mérite pas la même horreur, mais bon, non, je le fais sur des contenus, sur des propositions. Voyez-vous, si nous allons à l'essentiel, on dirait que l'extrême droite, ça n'a jamais été un programme, ça a toujours été un état d'esprit. Nous venons avec un programme et un état d'esprit, celui de la solidarité. J'ai appelé ça, j'ai essayé de trouver la formule la plus condensée, l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Tout ça exclut le racisme, la xénophobie, la violence, la haine des musulmans et les autres folies zémouriennes. Mais c'est aussi des choses très concrètes. Il y a un instant, j'évoquais devant vous une nouvelle fiscalité qui répartisse l'effort plus justement. Lui n'a aucune espèce d'idée sur la question. Donc je ne peux pas me mettre en confrontation avec lui. Je peux me mettre en confrontation avec Madame Le Pen, qui ne veut pas rétablir l'impôt sur la fortune, ou qui a des mesures de cette nature. Je peux me mettre en confrontation avec la droite. Et c'est ce que nous ferons. Mais c'est la grandeur, la beauté de la démocratie. Ça se trouve que c'est le même jour. Alors tant mieux. Et ce jour-là, vous aurez le candidat ou la candidate de droite connue. Vous aurez Monsieur Zemmour pour l'extrême droite, et puis nous, on est là, et on n'a pas lâché le terrain, parce que, vous savez, nous, souvent, on nous a enterrés 10 fois, à dire, il n'y a plus personne, ils comptent pas, ils ont perdu d'avance, etc. Bon, nous verrons bien. Je fais confiance à la démocratie, mais ce jour-là, nous, on est là. Vous savez de qui on est en train de dire potentiellement en ce moment, c'est perdu d'avance ? C'est Éric Zemmour. C'est Éric Zemmour parce qu'il enchaîne les déconvenues, un déplacement qui s'est très mal passé à Marseille. Vous êtes député des Bouches-du-Rhône, vous avez certainement regardé ça avec beaucoup d'attention. Oui. Et qui s'est en plus conclu par cette image, ce doigt d'honneur, voilà, de Éric Zemmour qui a été capté par nos confrères de l'AFP. Est-ce que cette image, elle acte, oui ou non, quelque chose pour vous, Est-ce, comme parfois certains le disent dans son entourage, mouvement d'humeur d'un candidat et après tout, ou est-ce une indignité ou la preuve d'une incapacité à aller au-delà dans cette campagne ? Non, je trouve que, bon, alors vous prenez l'exemple, pourquoi pas, c'est visuel, ça fait une image, mais franchement, c'est de la petite bière à côté de ce qu'il a raconté. C'est pas ça qui est le plus terrifiant. C'est qu'il aille à Marseille et qu'il dise de Marseille, voilà ce que nous ne voulons pas être. Voilà ce qui désintègre la France. Enfin, pardon, je ne veux pas faire des comparaisons excessives, mais c'est exactement ce qui a été dit de Marseille, qui était considéré par les Allemands comme un cloaque, avant qu'elle soit bombardée comme elle l'a été. C'est ça qui est choquant. C'est de voir quelqu'un qui prétend être président de la République française s'en prendre à toute une population, à toute une ville qui est là depuis 2600 ans, ne lui en déplaise, lui qui aime tant les traditions, et qui est né de l'union d'une femme gauloise avec un grec. Donc depuis le début, c'est une affaire d'immigration, Marseille. Et parler comme ça à la deuxième ville de France, ça oui, c'est horriblement choquant. Vous trouvez qu'il atteint ses limites, Éric Zemmour? Pour autant, pensez-vous que ça sonne le glas de sa campagne et qu'il ne décollera plus, ou autre expression un peu politique? Mais il incarne plus que lui, car si ce n'était que lui, ce n'est pas grand-chose. Il a provoqué une forme de surenchère qui a cristallisé, parce que pendant pratiquement, je peux dire, une décennie, on a banalisé les idées de Madame Le Pen, elle-même faisait la peau douce de l'agneau, et ben lui, il est arrivé, puis il en a mis un cran de plus, et aujourd'hui, il se parle en France avec des mots, avec des expressions qui sont absolument inouïes, de violence, de racisme, de haine interreligieuse. Quand nos amis viennent de l'extérieur, il y a peu, il y avait l'ancien président Lula du Brésil, je vous garantis qu'il ne faisait pas la comédie, mais il était atterré de voir comment on parle en France de toutes ces questions. Alors, quant à M. Zemmour, ben, il incarne quelque chose politiquement, c'est indéniable. Je crois qu'on peut le dire assez simplement. Chaque fois que quelqu'un n'incarne rien, il ne pèse rien dans l'élection et dans un sondage. Hein. Bon, lui, il incarne quelque chose qui n'est pas éliminé simplement parce qu'il a fait un doigt d'honneur ou parce qu'une partie des médias qui l'ont beaucoup encensé, Madame Kerrer tout de même, 230 articles écrits par jour, 13 000 depuis le début septembre, c'est un pilonnage absolument inouï. Vous aussi, en débattant avec lui, vous avez aussi intégré l'idée qu'il était là et très présent et qu'il comptait. Alors, par la force des choses, une fois qu'il a été gonflé à l'hélium comme ça, il était là. Et puis moi, j'ai voulu faire quelque chose dont je me félicite tous les jours, parce que j'ai l'écho que je ne m'étais pas trompé dans le pressentiment. Quel était ce pressentiment ? C'est que vu depuis la population, et notamment les antiracistes, et notamment ceux qui n'aiment pas qu'on maltraite les musulmans, à commencer par les musulmans eux-mêmes, qui sont des gens plutôt pacifiques, avait l'impression que toute la classe médiatico-politique, comme ils disent, était d'accord pour penser qu'à des degrés divers, les musulmans représentaient un danger en France. Donc, entendre un homme comme moi, sur un plateau de télé, tenir tête à un autre pendant plus d'une heure, et lui dire « Monsieur, vous n'avez pas honte de parler comme ça, nous ne vous permettrons pas de montrer du doigt nos compatriotes qui s'appellent Mohamed, puisqu'ils s'en étaient pris au prénom », ça a été, si vous voulez, un soulagement pour j'ose le dire, des millions de personnes qui se sont dit « Ah bon, quand même, tout le monde n'est pas d'accord avec ce type ». Donc, moi, j'ai mesuré qu'il y avait, notamment, il faut appeler les choses par leur nom, dans la population musulmane, une peur qui était en train de se répandre, que demain soit traîtrise dans notre pays. Voilà, alors, oui, il faut le combattre. Je ne comprends pas qu'on puisse dire « J'ai fait pareil avec Madame Le Pen, je suis allé à sa rencontre sur des plateaux de télé ». Pourquoi ? Parce que j'ai le privilège de l'âge, on a tout essayé. Quand M. Le Pen est arrivé sur la scène publique, on avait dit, M. Cambadélis avait inventé l'expression, c'était le harcèlement démocratique. Alors, on allait à la porte des meetings, on criait, etc. Ça n'a servi à rien du tout. Tandis que quand on se voit, qu'on échange des arguments, les Français regardent, écoutent, se disent, ah oui, un tel, il a raison, oui, c'est vrai, c'est excessif ce que maintenant, dit cette dame. Le débat que vous espérez, que vous attendez, Jean-Luc Mélenchon, c'est le débat face à Emmanuel Macron. Oui, oui, parce que le véritable enjeu de la situation, c'est, au fond, vous avez trois lignes qui sont là. Celle de M. Zemmour, on connaît, et puis de l'autre côté, il y a celle de M. Macron, qui est la ligne dominante dans le monde, le libéralisme économique, ça porte plusieurs noms, mais c'est toujours la même chose. Hein. Destruction des services publics, marché partout, tout transformé en marchandises. Et puis un État fort, violent, autoritaire. Et puis, la troisième hypothèse, celle que j'incarne à ma manière, peut-être pas le seul, mais que j'incarne, que je veux incarner, qui est l'hypothèse de cette ligne politique écolo-sociale, enfin bref, les Républicains jusqu'au bout, on appelle ça comme on veut. Alors, évidemment, le gros morceau, c'est M. Macron, parce que c'est lui qui est au pouvoir, parce qu'il est en campagne, parce qu'il utilise tous les moyens de la République pour ça, et que c'est lui qui incarne notre époque. Il est à l'image des Nord-Américains, des économies dominantes, et qui sont toutes dans une impasse aujourd'hui. C'est un monde qui, si vous voulez, pardon, je termine là-dessus pour dire, c'est un monde qui a atteint sa limite. Ils ont montré leur incapacité dans la pandémie, et maintenant, je pense qu'il ne peut provoquer, depuis la COP26, on le sait, que des catastrophes supplémentaires. En fait, on va voir comment vous le voyez à travers les dossiers aussi du moment, qui sont très concrets et très importants les uns les autres. On va regarder ce qui se passe en Guadeloupe dans un instant. Je voudrais juste vous poser une question dans le paysage politique. Un embarras, un questionnement autour de Nicolas Hulot. Suite au reportage d'Envoyé spécial, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Les faits sont prescrits. Nicolas Hulot est présumé innocent. Il y a la libération de la parole, mais vous l'avez très bien vu aussi, un débat sur le tribunal médiatique, la présomption d'innocence. Quelles leçons tirer de ce qui s'est passé, sachant que des voix s'élèvent en ce moment pour dire le gouvernement, pour son soutien en 2018, doit s'expliquer, voire s'excuser. Alors, c'est... Ce qui est assez difficile, c'est que nous sommes tous placés dans une sorte de contradiction. Je ne vois pas qui pourrait dire que ce n'est pas une bonne chose que la parole se libère. Parce que si elle ne l'avait pas fait, ça continuerait. Et ça continuerait dans la même impunité et surtout dans la même incapacité à prendre conscience. J'y insiste. Je crois que nous autres tous, hommes, avons à nous poser de graves et sérieuses questions sur la manière avec laquelle nous élevons nos fils. Et quel modèle nous leur donnons de virilité? Et quel modèle nous leur donnons de comportement à l'égard des femmes? Donc cette prise de conscience, elle permet à la fois d'assumer la violence qui a été subie, donc de dire oui, c'est une violence, oui, c'est insupportable, oui, nous devons rendre justice à celles qui en ont été victimes. Et puis, ça, c'est une chose. Et puis après, on est tous à se dire, ah oui, mais alors, ça s'appelle plus la justice, puisqu'il y a une présomption d'innocence. Eh bien, c'est là que sans doute se trouve la plus grande difficulté, c'est là qu'il faut la résoudre. Il faut que la justice fasse son travail. Et alors, il n'y aura plus besoin que d'autres le fassent. Que quand une femme va se plaindre, on ne commence pas par considérer que c'est peut-être pas vrai ce qu'elle raconte. Que la personne qui est mise en cause soit immédiatement entendue, ne serait-ce que pour l'obliger éventuellement à se ressaisir et à ne pas passer à l'acte. J'ai lu des statistiques assez terrifiantes sur le sujet, montrant que presque, je crois, le quart des femmes qui ont été se plaindre n'ont pas été prises au sérieux et leurs plaintes classées sans suite. Donc, tout ça montre qu'il y a une défaillance. Ce sujet n'est pas pris au sérieux comme il devrait l'être, avec les méthodes pour le traiter, comme le proposent les associations qui parlent d'un milliard à mettre sur la table, puisqu'il faut bien que ça se finisse par des chiffres. Mais pourquoi faire? Pour former, pour accueillir les femmes au moment où elles sont en danger, elles et nos enfants, parce que ces enfants sont les nôtres à tous, d'une certaine manière, et ainsi de suite, former, et puis réparer les dégâts, aider les gens à sortir de leur enfermement, de leurs blessures, de leurs replis, pour expulser tout ce que cette situation a pu contenir d'horrible, et qui déforme à la fois les femmes, et puis quand toutes ces violences sont commises en présence des enfants, parce que là j'ai un peu débordé vous êtes sur les le féminicide. Violences faites aux oui. femmes. Oui, pour moi il y a un lien profond entre tout ça. C'est l'idée que, comme le disait Zemmour, les femmes sont le butin des hommes. Hein, lui il a écrit ça. Bon, personne ne lui demande des comptes là-dessus, mais je pense que... Ça a été fait à quelqu'un. Oui, mais j'espère bien que quelqu'un va finir par dire qu'on ne permet pas que des choses pareilles soient écrites, ça va trop loin, quoi. Et vous voyez, n'empêche que ça a été assumé politiquement par des gens qui trouvent que c'est un comportement normal. Bon, voilà ce que j'ai à en dire. Peut-être que c'est pas spécialement une solution que j'apporte là, mais en tout cas, ça montre que on ne peut pas, au nom de la présomption d'innocence, dire personne ne doit parler. Alors ça, ce serait insupportable parce que rien n'avancerait. Et donc, ce mouvement a été libérateur pour toute la société. J'en profite vraiment pour dire que, évidemment, tout individu, tout être humain de sexe masculin n'a pas vocation à être un criminel ou un prédateur, hein. Mais on doit beaucoup s'interroger sur la manière avec laquelle on éduque les garçons. Parce que les êtres humains sont d'abord des êtres de culture, des êtres sociaux, qui sont le résultat d'une éducation. Non, tout ça ne tombe pas par hasard. C'est le résultat. Alors, les femmes disent, et c'est juste, que c'est une structure invisible qui est à l'œuvre, ça s'appelle le patriarcat, qui est antérieur à toutes les sociétés politiques et qui participe à chacune d'entre elles, qui donne à l'homme un privilège et un pouvoir spécifique qui lui permet à certains moments de penser que les femmes sont sa propriété ou éventuellement un butin qu'il peut s'approprier. Bon, j'ouvre un autre dossier, tout autre dossier, mais l'actualité... C'est pas que l'actualité, problème de fond. D'ailleurs, vous y consacrez vraiment un chapitre particulier, l'outre-mer. Sébastien Lecornu, il prend la direction des Antilles depuis quelques heures maintenant, parce que maintenant, son ministère estime que la donne a changé, la situation dans les rues s'est calmée, une feuille de route avec les élus locaux et l'intersyndicale a visiblement été cadrée pour pouvoir discuter santé, prix des carburants, situation de la jeunesse et des transports. Est-ce que quelque part, vous saluez un retour au calme, une reprise et une poursuite du dialogue, après tout, en se disant que les choses avancent? Ce n'est pas mon rôle. D'ailleurs, pardon de vous contredire, mais justement, on avait d'abord fait un chapitre, et on a dit, on arrête avec ça, les Outre-mer sont pas un chapitre, les Outre-mer sont concernés par tous les sujets. Si bien qu'il y en a partout, plein le. Alors pourquoi? Là où vous touchez juste, parce que moi, j'ai Kerouer. En finir avec l'abandon des Outre-mer. Oui, à notre avis... les Outre-mer ne sont pas les régions ultra-périphériques, comme dit la Commission européenne. Elles sont en quelque sorte des loupes grossissantes de ce qui se passe partout sur le territoire de la France, que ce soit la France hexagonale, continentale, que ce soit la France d'Amérique du Sud en Guyane, ou celle des territoires insulaires, la Corse, mais aussi la Polynésie française, etc. C'est-à-dire que les dévastations d'un modèle économique sont arrivées maintenant à un point où elles ne sont plus supportables simplement pour survivre. Pourquoi ? Dans le cas de la Guadeloupe, il y a eu pendant des années et tellement longtemps, bien au-delà des interdictions faites sur le territoire national, l'utilisation d'un pesticide qui fait que dorénavant, 90%, ça s'appelle le chlordécone, 90% des Guadeloupéens à qui l'on prend du sang trouvent du chlordécone dedans. Ça, c'est typique résultat d'un modèle agricole. Ensuite, l'eau est dévastée, il y a des tours de rôle pour avoir de l'eau sur un territoire français. Ce n'était pas le cas avant, parce que tout est dévasté. Là aussi, c'est l'effondrement des services publics, la privatisation de l'eau comme marchandise. Bref, je termine. Toutes ces situations sont spécifiquement concentrées sur les territoires insulaires, tous les territoires insulaires et éloignés, mais en plus... Elles existent aussi dans l'Hexagone. Il faut le temps que les gens réalisent que la crise de l'eau est déjà dans l'Hexagone, que la crise des pesticides est dans l'Hexagone, que le carburant cher, c'est dans l'Hexagone, et parce qu'on a éloigné tout de tout. Et puis en plus, il y a des raisons un peu, si vous voulez, plus spécifiques et plus insupportables. Par exemple, dans les dom-toms, notamment en Guadeloupe, la nourriture est plus sucrée pour créer des addictions, ça crée des addictions, qu'ailleurs, donc des crises de diabète qui fait que la population est plus malade qu'ailleurs. Le gouvernement a ses réponses, Sébastien Lecornu, avant de partir, a répondu au JDD sur l'accès à l'eau. Il dit qu'il veut régler le problème pour 2027. Il parle de problème de puissance de la publique, de puissance publique locale, pardon, qui est en échec. Il dit qu'il y a des budgets qui sont sur la table. Surtout, ce qui a marqué, vous le savez bien, c'est cette déclaration sur l'autonomie. C'est de dire que le gouvernement se dit prêt à en parler. Il précise que c'est pas l'indépendance. Et pour lui, c'est basé sur le fait que notamment des élus auraient fait remonter cette demande d'autonomie. Alors, on va d'abord. Si c'est une demande, pourquoi ne pas en parler? Est-ce que vous y voyez une dimension, mais, comme certains? Oui, j'y vois bien sûr un inconvénient. Mais je commence d'abord par prendre le début de votre question. Oui. Puisque tout cela est pris en compte, le statut, le chlordécone, puisqu'on a décidé l'ouverture des procédures judiciaires, rien n'était fait, l'eau. Bon, donc il y a une preuve qui a été apportée. C'est en se mobilisant et en s'engageant dans l'action sociale qu'on obtient des résultats. Sinon, il ne se passe rien. L'État, le gouvernement, s'en fout, laisse les gens sans eau pendant des mois. Parce que la question de l'eau, nous avons commencé à l'agiter, à la mettre sur le devant de la scène, alors que déjà les Guadeloupéens protestaient dans le silence. Ça a été la mission qu'a conduit Mathilde Panot, députée insoumise, qui a fait la commission d'enquête sur l'eau, qui a de nouveau sonné l'alarme. Mais il ne se passait rien. Donc c'est bien la mobilisation de la population elle-même qui produit des résultats. Une fois que j'ai dit ça, je demande qu'on ramène cette réalité aussi à l'Hexagone. Si vous ne faites rien, il ne se produira rien. Si vous n'allez pas voter dans 3 mois, ne vous attendez pas à ce que quoi que ce soit change en mieux. Si vous vous mobilisez, si vous allez voter, vous avez une probabilité que ça se passe mieux, la preuve par la Guadeloupe. Et quant à l'autonomie, alors, en fait, d'ouvrir ce débat, si le ministre dit que ça a été une remontée d'élus, certains disent que c'est une manière de les mettre aussi face à leurs responsabilités, ou la preuve qu'on est prêt non, à tout entendre. Non, c'est une manière de... L'autre argument du ministère, c'est de dire ces territoires refusent la vaccination obligatoire pour les soignants. Or, c'est la loi dans l'Hexagone. S'ils veulent une loi différenciée, alors mettons sur la table une solution comme l'autonomie. Bon. Voilà un chapelet de raisons pour lesquelles on met tout ça sur la table. Oui, j'entends tout ça. C'est une grosse diversion, parce que quand des gens sont dans la rue parce qu'on suspend du personnel dans les hôpitaux, parce que l'essence coûte trop cher, parce que les prix n'ont pas été bloqués, etc., et qu'on répond « Ah ben nous allons engager une réforme institutionnelle », c'est une manière un peu de se moquer du monde. Mais, puisque le sujet est sur la table, vous notez bien, pas à mon initiative, à celle du gouvernement. Alors, allons au bout. Oui, c'est vrai, il y a dans toute une série de territoires éloignés de la France européenne, du territoire européen de la France, les territoires insulaires, pour l'essentiel. Mais comme la Guyane n'est pas une île, contrairement à ce qu'a dit M. Macron, j'utilise le terme éloigné de l'Hexagone. Bon, mais tout le monde a compris que c'est essentiellement tous ceux qui se trouvent dans une situation insulaire. Tous disent qu'il faut de nouvelles manières de gérer ces territoires. Et après avoir appartenu personnellement à une toute autre tradition qui se voulait l'État unitaire, point final, qui correspond d'ailleurs à ce qu'était l'intention au départ de ceux qui ont demandé que la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion soient des départements français avec le statut de département. Ça a été le cas aussi pour Mayotte. Bon, maintenant, je dis que j'ai entendu ce que m'ont dit et répété des amis très chers et les élus de pratiquement tous les territoires insulaires. C'est au point que je crois être le seul à m'être engagé pour dire que, puisque la Polynésie française bénéficie de l'article 74 de la Constitution qui lui permet d'avoir quasiment un gouvernement local, mais pour les questions régaliennes, c'est la patrie qui les porte. Eh bien, pour ma part, dès lors que les Corses ont voté 3 fois, ont voté pour élire 3 députés autonomistes sur 4, et 2 fois pour une majorité territoriale autonomiste, pour ma part, j'entends ce qu'ils me disent sur l'article 74 appliqué à la Corse, et je m'engage, si je suis élu président de la République, à ce que cette question soit mise immédiatement sur la table pour en parler. Et ça vaudra pour d'autres. Mais je ne substitue pas cette question de l'autonomie à celle de l'égalité. Car on peut avoir des territoires qui sont autonomes, gouvernés de manière autonome, dans la République française, mais l'exigence d'égalité entre nous reste intacte. Or, M. Lecornu a dit « Vous voulez moins d'égalité, donc on va vous donner l'autonomie ». Non, ce n'est pas ce que disent les Guadeloupéens. Ils veulent avoir une capacité à maîtriser mieux ce qui les concerne directement, et quel obstacle y voyons-nous, mais pour autant, ils ne demandent pas moins d'égalité. Par conséquent, on ne peut pas penser se débarrasser de l'exigence d'égalité en parlant d'autonomie. C'est l'inverse. On veut de l'autonomie pour être plus égaux. La réponse de Sébastien Lecornu, c'est de dire, en ce qui concerne la vaccination obligatoire pour les soignants, exiger que la loi ne s'applique pas dans un département revient à demander que les Antillais soient moins protégés que dans l'Hexagone. Il faut être moins, comment dire, dogmatique de sa part. Ce n'est pas le sujet. D'abord, la vaccination n'est pas obligatoire. Non mais, indépendamment de l'idée que chacun s'en fait, je suis vacciné, vous êtes vacciné, indépendamment. La vaccination n'est pas obligatoire. Le pass sanitaire, je suis contre, est une illusion, mais je reste sur la vaccination. Si elle n'est pas obligatoire, au nom de quoi la rendrait-on obligatoire pour certains personnels ? Dès lors qu'on sait tous que le fait d'être vacciné n'empêche pas de pouvoir être contaminé et de contaminer les autres. Donc le fait de repousser au 31 décembre la vaccination obligatoire pour les soignants dans ces territoires... Ah, c'est vraiment pas une bonne idée. Le 31 décembre, vous voulez vraiment que la nuit du 31 décembre soit une émeute, c'est pas possible. Bon, ils viennent déjà de voir ce que ça a donné. Parce que le jour où s'est appliqué le fait qu'on suspendait le personnel, ce jour-là a commencé, le mouvement est passé d'une manif dans les rues tous les samedis à... les événements que vous connaissez. Mais je voudrais terminer mon idée. La question qui est posée n'est pas du tout formulée comme le croit M. Lecornu, il se trompe. Si vous êtes dans l'île de la Guadeloupe, que 85% du personnel est déjà vacciné, les 15% qui ne veulent pas, qu'est-ce que vous voulez leur dire ? C'est obligatoire pour vous, au nom de quoi ? Parce que pour le coup, c'est pas obligatoire pour les autres. Donc c'est là qu'est la rupture d'égalité. Mais admettons encore cette idée. Admettons, vous avez 15% dans un hôpital, vous les remplacez par qui? Quand vous êtes dans l'Hexagone, vous pouvez toujours vous dire, on va trouver. Il y a 180 000 personnes qui ont quitté le service hospitalier. Mais quand vous êtes à la Guadeloupe et que vous enlevez 15% du personnel, vous n'avez qu'un résultat, le chaos. Qui peut vouloir le chaos? Alors, tout ça pour appliquer d'une manière absurde, rigide, dire je veux ça et c'est comme ça et pas autrement. Et si vous faites autrement que ce que je vous dis, je vous punis tous. Alors, sur c'est la absurde. Question, j'avance sur la question sanitaire à chaque fois. Hein, je le dis, le temps file, ça passe vite, n'est-il pas? Ça passe vite. Le sanitaire, Jean-Luc Mélenchon, le variant, le nouveau arrive. On n'a pas toutes les réponses sur sa dangerosité, etc. Mais Olivier Véran juge probable qu'il soit déjà en France. Question très pragmatique. Des mesures d'isolement ont été annoncées, vous savez, quand on est contact ou suspecté de l'être avec un test PCR. Des pays commencent à fermer leurs frontières. Est-ce que vous dites qu'il faut, par mesure de prévention, en arriver à ces restrictions pour le pays aujourd'hui? Ah ben, il va falloir faire tout ce qu'on n'a pas fait, qu'on a recommandé 10 fois de faire et qu'ils n'ont pas fait parce qu'à chaque fois, plein de présomptions. Rappelez-vous comment on s'est moqué de moi quand j'ai parlé de la 2e vague, on en est à la 5e. Alors, commençons par dire qu'il faut évidemment le contrôle des frontières d'une manière beaucoup plus stricte depuis les pays qui sont dorénavant contaminés, on le sait. Deuxièmement, quand on est en France, il faut confiner certaines personnes, il faut pour ça le savoir. Donc il faut que les tests redeviennent gratuits, puisque le vaccin ne suffit pas. Argument supplémentaire pour vous, ce nouveau variant, pour dire qu'il faut la gratuité des tests. Bien sûr. Écoutez, pour le réveillon, vous allez faire comment? Je suppose que vous allez faire une fête de famille. Mais bon, ben, moi aussi, j'aimerais bien quand même que chacun puisse prendre ses responsabilités. Si je suis contaminé, je n'ai pas l'intention de contaminer toute ma famille. Donc pour que je puisse le savoir, il me faut un test. Je suis vacciné, c'est gratuit pour moi. Mais je voudrais que ça soit gratuit pour tout le monde. Que personne puisse dire, écoutez, moi, j'avais pas 40 euros à mettre dans un test, donc je me suis pas testé, je suis venu, j'étais malade, j'ai rendu tout le monde malade, y compris ceux qui étaient vaccinés. Donc, la gratuité des tests. Mais vous venez d'évoquer la question de l'isolement. Depuis le début, on dit, il faut qu'il y ait des structures qui soient adaptées pour permettre l'isolement. Si vous êtes déjà, vous savez qu'il y a 3 millions de Français qui vivent dans des taudis, qui sont empilés les uns sur les autres, et 4 millions si l'on compte ceux qui sont mal logés. Il faut que les gens puissent sortir du cadre familial et se confiner quelque part dans des conditions dignes et respectueuses. Donc il faut qu'il y ait des places qui soient réquisitionnées dans une hôtellerie que l'on organise pour ça. Et ainsi de suite, le roulement, il faut arrêter de s'empiler sur les quais de gare, donc pas tous partir au travail et pas tous revenir à la même heure. Dans les salles de classe, il faut utiliser en 2 mouvements les salles de classe pour que les effectifs puissent être divisés par 2. Et ainsi de suite, qu'on y mette des purificateurs d'air. Ça fait 10 fois qu'on leur dit ça. Et à chaque fois, ils nous disent, non, ça y est, on a réglé le problème, tout le monde va se vacciner. Est-ce que vous craignez une campagne sous Covid? Et si je dois partir dans l'immédiateté le week-end prochain à votre meeting? Est-ce que vous allez mettre en place, par exemple, je suis très concrète, pass sanitaire, jauge, etc. Alors, le pass sanitaire, ce serait illégal. Il faut quand même comprendre ça. La loi et le Conseil constitutionnel, puis, a dit que ce serait illégal, ce n'est pas acceptable. Donc, c'est la loi qui dit que ce n'est pas acceptable dans une réunion politique ou d'une campagne électorale de demander le pass sanitaire. Et deuxièmement, la loi condamne ceux qui font des contrôles qui ne sont pas légaux. Donc il suffirait qu'une personne à qui on dise « voyons votre passe sanitaire », dit « je vous préviens, c'est illégal, je porte plainte ». Et moi, le lendemain, je me retrouve avec une plainte de plus sur les bras de quelqu'un qui dirait « Monsieur Mélenchon a organisé des contrôles ». Donc on n'a pas le droit de le faire. Mettons les choses bien au point. Après, est-ce que je crains une campagne sous Covid? Oui, évidemment. Parce que ça veut dire que il sera impossible de faire les grandes réunions dont nous avons besoin, nous. Nous qui sommes, qui avons besoin à intervalles réguliers de nous prouver à nous-mêmes notre force et aux autres pour dire, vous voyez, on est plus nombreux qu'on en a l'air. Parce que ceux qui défendent le monde tel qu'il est n'ont pas besoin de montrer leur force, ils ont le monde entier à leur main. Donc nous, on a besoin de ces rassemblements. Et puis l'esprit public pourrait être totalement obsédé par les questions de sécurité sanitaire et attacher moins d'intérêt aux autres questions qui se posent pour le pays. Donc oui, je crains une campagne sous urgence sanitaire, bien sûr. Mais quand même, question sur l'enjeu de santé qui est majeur pour les Français dans le cadre de cette campagne, au-delà même du Covid. Olivier Véran envisage de relancer l'idée d'une grande sécu. Si je dois résumer un peu, c'est le régime de base de la sécu sociale, qui étendrait son périmètre en prenant aussi une large partie occupée par les mutuelles, les assureurs, les institutions de prévoyance. J'ai regardé dans votre programme. Vous dites, vous voulez le 100% sécu en remboursant à 100% les soins de santé prescrits en intégrant les mutuelles dans la sécurité sociale. Il y a peut-être possibilité de vous mettre d'accord, là. se mettre d'accord, je ne crois pas, parce que c'est eux qui gouvernent, nous. C'est pas les deux en même temps. Hein. Donc si nous gouvernons, nous ferons ça. C'était déjà dans le programme de 2016, la grande sécu. Et d'ailleurs, pour être honnête, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est Ambroise Croizat lui-même, le ministre communiste qui a fondé la sécurité sociale. Et leur idée à l'époque, c'était la grande sécu. Tout était dedans. Alors ça ne s'est pas fait comme ça, parce qu'à l'époque, il y a eu des résistances terribles contre la sécurité sociale, et en particulier tous les secteurs de droite disaient « tout ça c'est du communisme, c'est du socialisme, pas question, il faut qu'il y ait les assurances privées ». Alors il y a eu des mutuelles qui ont joué leur rôle, qui au départ étaient sur des segments assez limités, parce que la sécu remboursait bien. À partir du moment où la sécu a commencé à dérembourser, comme on dit, c'est-à-dire à ne plus rembourser, hein, et que des frais nouveaux sont apparus, il y a eu un pullulement des contrats. Vous savez jamais de quoi vous êtes vraiment protégé. Même avec votre complémentaire, il faut aller relire les petites lignes pour savoir. Alors c'est beaucoup de chaos, on ne sait pas vraiment de quoi on est protégé. Quand vous appliquez ce supplément de cotisation, si vous êtes une personne âgée, vous payez plus cher parce que vous êtes âgé, et puis les statistiques montrent que c'est eux qui sont les moins bien remboursés. Alors c'est la totale. L'inégalité va se creusant à cause de quoi ? Du fait qu'il y a, à côté d'un service socialisé, la sécurité sociale, un marché, et que sur ce marché, on complète d'une manière qui est, comme d'habitude, inégalitaire. Donc voilà pourquoi je suis partisan d'un seul système. Évidemment, il faut que le personnel des mutuelles soit intégré au personnel de la sécurité sociale qui ne perdent pas leur job. D'ailleurs, on ne pourrait pas s'en passer, parce que le travail qu'ils font, il est nécessaire. Par contre, on ne paierait plus les frais de publicité, il n'y aurait plus de compétition, donc ça coûtera moins cher, la sécu coûtera moins cher, et puis on pourra donc mieux rembourser tout le monde d'une manière égalitaire. Donc je suis partisan de l'accomplissement du rêve de la sécurité sociale, qui est chacun donne selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Que vous soyez riche ou pauvre, vous serez traité et soigné de la même manière. Alors justement, riche ou pauvre, traitement de la même manière. J'ai juste une question sur le plafonnement des frais bancaires. Ça existait aussi par le passé dans votre programme. Mais un plafonnement pour tous, Jean-Luc Mélenchon, même pour les publics les plus fortunés? Une bonne règle, en général, il vaut mieux qu'elle soit universelle. Et vous savez, les gens les plus fortunés, ce n'est pas eux qui m'ont empêché de dormir. Hein. Moi-même, j'appartiens à la tranche la plus élevée des revenus, hein, et des salaires, et des indemnités, donc c'est pas moi qu'il faut venir plaindre. Hein. Moi, ce que je plains, c'est ceux qui, tous les mois, sous un prétexte ou sous un autre, se ramassent des frais qui font qu'à la fin de l'année, ils payent 400, 500 et des fois plus, alors que c'est eux qui ont le moins. Et c'est dans ces conditions que mon collègue Alexis Corbière, qui est député de Seine-Saint-Denis, a déposé une proposition de loi pour limiter les frais bancaires. C'est-à-dire, c'est jamais sur un cas plus de 2 euros. Et ça ne peut pas être plus de 100 euros dans une année. Je crois que c'est 100 euros ou 200. Excusez-moi si je ne me rappelle pas exactement. 200, je crois, hein. Voilà, vous savez, c'est bien, vous avez mieux retenu le chapitre que moi. Mais le fait est là. Nous ne voulons plus qu'ait lieu cet abus de pouvoir. Parce que vous savez comme moi que quand on vous fait un dépassement et qu'on vous le note 80 euros, je crois que c'est les dépassements, ça coûte 2 centimes. À la banque, non, c'est pas sérieux. Donc tout ça doit cesser. Alors, à un moment donné, un pouvoir a dit « Ah non, c'est trop, ça peut pas durer comme ça ». Aussitôt, c'est normal, hein, ils défendent leur intérêt, les banques ont dit « Ah non, on va s'en occuper, on va se modérer nous-mêmes ». Tu parles comme ils sont modérés, ça n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, des gens s'enfoncent dans le surendettement pour ces raisons de frais supplémentaires qui leur tombent dessus sans arrêt. Donc il faut maintenant stop avec les frais bancaires. Voilà, je dis stop. J'ai pas dit seulement un peu moins, je dis stop. On limite au minimum. Il est normal qu'une banque voit ses coûts compensés par, si ça coûte quelque chose, on le paye, puisqu'on le fait. Mais pas ces tarifs-là, pas ces niveaux-là, parce que ça n'est pas justifié. Non, pour être toujours concret et interroger sur les solutions, je vais prendre l'entreprise SAM, fonderie aveyronnaise, sous-traitant automobile qui a été définitivement placé en liquidation judiciaire. Il s'agit de 350 salariés derrière ces mots. Renault a estimé que le projet de repreneur n'était pas suffisamment bon. L'État, à la base, soutenait un projet de reprise. Renault a fait un autre choix. La question, elle est simple. Que peut faire l'État si l'entreprise dit non ? Alors, d'abord, c'est très étonnant que le directeur ou le PDG de l'entreprise se donne un avis différent de l'actionnaire principal, parce que l'État est l'actionnaire principal de Renault. Deuxièmement, alors, ça prouve que ou l'actionnaire n'est pas efficace, ou le PDG est très arrogant. Dans l'un et l'autre cas, ce n'est pas satisfaisant. la volonté de l'État doit être appliquée, parce que l'État, c'est nous tous. Donc, Renault doit maintenir son plan de charge sur cette entreprise. Si Renault trouve que la solution qui a été trouvée n'est pas la bonne, mais que néanmoins, il aurait beaucoup de plaisir à continuer à produire à cet endroit-là, alors que Renault rachète cette fonderie, quitte à la revendre d'ici quelques temps. Mais la position qui consiste à dire « je m'en lave les mains, vous pouvez disparaître, vous êtes 350, vous nous avez servi avec honnêteté, avec talent, vous avez produit des choses magnifiques, et maintenant je m'en fous de savoir ce qui vous arrive ». Ça, c'est le discours que tient le PDG de Renault. C'est inacceptable. Et puis, je dirais que pour ce qui concerne le pays lui-même, la solidité de son système de fonderie, car voyez-vous, aujourd'hui, on y fait je ne sais quelle pièce à cet endroit-là, ça doit être des pièces automobiles, mais on fait aussi des pièces pour l'aviation, on fera des pièces pour d'autres domaines. Nous avons besoin de fonderies de haut niveau avec un personnel qualifié. Pardon, Madame Kerouer, d'y insister. Les machines ne sont rien sans le personnel. Lorsque vous avez une entreprise qui produit, par exemple, des pelles pour les barrages hydrauliques, si vous pouvez avoir les meilleures machines du monde, si vous n'avez pas les ouvriers comme ceux qu'il y a à Grenoble, vous ne savez pas le faire. Si vous prenez un cas comme à Belfort, qui fait des turbines, si vous n'avez pas le personnel qualifié, vous ne pouvez pas produire des turbines qui tournent au micron pour ce qui est du réglage. Ou bien capable de fabriquer des machines à faire IRM, qui vous sauvera la vie peut-être un jour à vous ou à vos enfants ou à moi. C'est les plus gros IRM du monde, c'est là qu'on les fabrique. Alors on va laisser tout ça partir. On ne doit pas laisser partir la SAM. Et donc les travailleurs de la SAM, ainsi que la population autour, va dorénavant passer à des formes beaucoup plus vigoureuses d'action. Et je les félicite et les encourage à le faire. Et vous étiez déjà rendu sur place, donc on verra, on suivra le dossier. Il faut qu'on parle absolument de Calais, Jean-Luc Mélenchon. Oui, bien sûr. Il y a eu cette réunion cet après-midi autour de Gérald Darmanin, à Calais justement, en sortant, juste avant l'émission. Il a annoncé une lutte plus intense contre les passeurs. Je sais que votre solution à vous, c'est la voie légale. On va en parler dans quelques instants. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée de lutter contre ces personnes qui profitent de la misère ? Est-ce que vous êtes d'accord avec le renforcement de la lutte contre ces gens, contre ces passeurs ? Il annonce au passage un avion de Frontex qui, dès le 1er décembre, va pouvoir aider à cette lutte. Évidemment, mais il serait temps de s'y mettre. Vous savez que cette histoire-là dure depuis 20 ans. Pourquoi les gens sont-ils là ? Sans doute parce qu'il y a un réseau très bien organisé depuis longtemps. Ça a commencé en 2002, les premières expulsions. Ça fait donc 20 ans que ce scandale continue. La lutte contre les passeurs, il est temps de s'y mettre. Mais alors, c'est plus du tout les mêmes moyens qu'on doit déployer. Au lieu de déployer des centaines de policiers et de gendarmes qui se livrent à une activité qui leur répugne à eux-mêmes, qui est de brutaliser les pauvres gens qui se trouvent là, n'en déplaise à M. Dupont-Moretti qui m'a l'air très mal renseigné. Oui, en effet, les tentes sont détruites et tous les mois, on ramasse 4 à 500 tentes. Oui, tous les jours, on lacère des tentes. Oui, il est interdit de donner à manger à ces pauvres gens qui meurent de froid. Tout ça a lieu en ce moment. Par conséquent, il est temps de s'y mettre. Il faut punir les passeurs. Mais je ne veux plus que la France fasse ça. Le sale boulot des Anglais, nous ne le ferons pas. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous de bloquer les gens, de détruire leur campement, de les pousser à la faim et au froid, et eux, leurs enfants, à monter dans des barcasses pour aller risquer de se noyer. La question, c'est comment on fait ? Vous êtes en faveur d'une voie légale. Vous avez déjà dit, oui, en effet, il s'agirait de leur permettre en bateau, en ferry, de se rendre au Royaume-Uni. Mais déjà, dans quelles conditions ? Est-ce qu'il y a un nombre limité ? Est-ce qu'on les emmène tous par bateau là-bas ? Mais surtout, Jean-Luc Mélenchon, l'Angleterre ne veut pas de ces migrants. Boris Johnson a signé une lettre dans laquelle il dit même que les Français doivent, je le cite, reprendre ces migrants. Alors, ça, c'est... Bon, c'est Boris Johnson, on connaît. Il y a une manière de faire chez lui qui procède par provocation. Ce n'est pas un procédé que moi-même j'ignore, donc je suis capable de le repérer chez les autres. Hein. Bon, il en rajoute. Bon, on lui dit, écoutez, nous, on ne veut plus faire ce boulot-là. Et il dit, ah ben, très bien, on va vous les ramener. Bon, puis quoi encore ? Bon. Mais ça ne vous choque pas plus que ça, cette défiance, bien sûr que si. Plus que ça, d'ailleurs, de Boris Johnson. Ça me choque d'autant plus que je vois le président de mon propre pays étendre cette idée aux voisins. Puisque lui, il propose qu'il y ait une clause de non-admission. Autrement dit, on prendrait tous les gens qui se trouvent à cet endroit-là et on les ramènera, je ne sais pas qui, aux Belges, aux Allemands ou à que sais-je encore. c'est-à-dire un énorme trafic de pauvres diables qui s'organiserait comme ça sur quatre frontières. Non, ces gens veulent aller en Angleterre, qu'ils y aillent. Voici ma réponse. Ils veulent aller en Angleterre alors qu'ils y aillent. Et que les Anglais s'en débrouillent et disent ce qu'ils font. Et comment vous poussez, vous obligez Boris Johnson à accepter ces... Oui, mais d'abord commençons par dire qu'on va le faire. Et qu'un couloir humanitaire, on en a organisé dans toutes sortes de zones de guerre, de conflits, où des sauvages, des gens brutaux, refusent d'entendre la situation de détresse des civils totalement désarmés, on crée des couloirs humanitaires. Donc, moi, président de la République, je dirais, je demande la constitution d'un couloir humanitaire. Maintenant, si ces gens veulent aller en Angleterre, le plus proche, ce sont les îles anglaises qui sont là, hein, sur lesquelles nous avons beaucoup de mal à avoir des licences de pêche. Eh bien, nous prenons les gens et nous les amenons sur ces îles et les Jersey, Anglais, par exemple, ouais. Oui, pourquoi pas. Mais si vous n'avez pas une volonté implacable... Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir sur ces îles? Attendez, est-ce que leur destin sera meilleur parce Bien sûr, parce que les Anglais sont un grand peuple civilisé. Ils ont d'ailleurs fait la preuve à de nombreuses reprises qu'ils l'étaient, que nous, Français, nous leur devons beaucoup pour leur résistance, notamment pendant la guerre, je le dis très sérieusement. Mais donc, ils feront ce qu'il faut. Avec les gens qui sont là, ils traiteront leurs dossiers un par un. Celui-ci, on veut, celui-là, on ne veut pas. Vous, vous retournez chez vous. Vous, vous avez le droit d'entrer, etc. Mais si les Français ne font pas preuve d'une volonté implacable, si au premier coup de gueule de M. Johnson, on court voir les autres voisins pour dire « on va s'arranger entre nous pour nous les repasser », ça veut dire qu'une fois de plus, la France est humiliée, abaissée, personne ne tient compte de Pourtant, ce qu'elle dit. Pourtant, beaucoup ont dit Emmanuel Macron a fait preuve de fermeté dans sa réponse avec Boris Johnson, le ministre de l'Intérieur qui n'a pas été convié à la réunion de cet après-midi, bien, la réponse bon sèche... Un début seulement. Mais c'est un bon début. Attendez, je viens de vous dire que j'étais d'accord avec la lutte contre les passeurs que M. Macron découvre. Je pourrais vous dire, c'est une honte, c'est maintenant qu'il s'en rend compte. Vous avez vu, c'est pas comme ça que j'ai dit, ça fait un moment que ça dure, c'est le moment de s'y mettre. Donc si vous voulez, si quelque chose de positif est fait, qui va dans le sens du respect de la dignité des personnes et de la maîtrise de nos frontières, parce que nous sommes quand même chez nous, et que pour ma part, je ne suis pas pour qu'il n'y ait ni frontières, ni passeport, ni visa. Je ne dis pas ça. Si nous voulons être respectés, bah, faut se faire respecter. Toute dernière question, et il nous reste 30 secondes, et alors je sais que c'est quasi impossible. Dénoncer les accords du Touquet, c'est ce que vous souhaitez, mais ça prend, je crois, 2 ans de négociations, on ne peut pas le faire tout seul. Eh bien, c'est la raison pour laquelle il faut emmener les gens qui veulent aller en Angleterre dans les îles où ils seront accueillis, j'en suis sûr, avec beaucoup d'intérêt. Jean-Luc Mélenchon, je vous remercie. Merci. Je vous remercie d'avoir été l'invité dans toute franchise ce soir. Je disais donc, J-7 avant le meeting de lancement de l'Union Populaire, le programme... Alors, il a lieu à la Défense. Alors, pardon, juste comme il doit rester une seconde. C'est à la Défense parce qu'on nous avait dit au Zénith, on ne peut pas tout élouer pour des concerts. Donc, vous saurez que M. Zemmour avait réservé il y a plus de 2 mois... son zénith en faisant semblant de ne pas être candidat. Info Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup. Merci.